le son Dance Floor. Bienvenue sur Fun Radio, vous écoutez Fun Radio, il est 6h du matin. Fun Radio est en direct d'Ibiza, je vous le dis tout doucement pour l'instant, le temps de faire un point sur l'actu. Les infos de ce jeudi, c'est le 23 juin partout en France. Moi je suis resté au 20, je suis encore au 22 moi. Alex de Saint-Aignan, c'est vous? Oui, c'est moi. Levez c'est la moi. Main. Bonjour. Bonjour vous à savez tous. Quoi, ça tombe sur vous, vous allez faire les infos. Bonjour. Bonjour, bonjour Bruno. Bonjour à tous. La météo d'abord, du beau temps et des orages. Le Nord-Ouest est en vigilance orange ce matin avec 13 départements en alerte du Nord-Pas-de-Calais jusqu'en Bretagne. Partout ailleurs, le temps va rester beau et chaud. Grand soleil, vos températures entre 13 et 21 degrés ce matin. Vous aurez 16 degrés pas plus cet après-midi à Cherbourg, 27 à Biarritz, 31 à Paris, 32 à Charleville-Mézières et le maximum 35 degrés à Lyon. Et si vous êtes couché tôt hier soir, vous devez savoir qu'on connaît désormais l'adversaire des Bleus pour les huitièmes de finale de l'Euro. La France affrontera l'Irlande dimanche après la qualification des Irlandais 1-0 hier soir face à l'Italie. Une affiche plutôt facile pour les Bleus, mais ils pourraient se retrouver face à l'Angleterre en quart de finale. Noté également hier l'élimination de la Suède et donc la retraite internationale pour Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant du Paris Saint-Germain a joué son dernier match avec le maillot suédois. Les derniers qualifiés hier avec l'Irlande, la Belgique, l'Islande et le Portugal de Cristiano Ronaldo. Aux États-Unis, la tuerie d'Orlando il y a une semaine et demie. Il y a un petit problème technique, donc j'en parlerai dans le flash de dans une heure. Dans le reste de l'actualité, c'est une nouvelle journée de contestation contre la loi travail. Des rassemblements sont prévus dans toute la France et même à Paris aujourd'hui. La manifestation avait été interdite hier, mais la préfecture est finalement revenue sur sa décision. Les syndicats pourront défiler sur un parcours imposé, Alex, et ultra surveillé par la police. On ne comprend pas ce que tu dis. Qu'est-ce qui se passe? Les gens se plaignent. Les gens ne comprennent pas ta langue. Essaye de le faire en espagnol peut-être la prochaine fois. Muy caliente. Es posible parler de hablar español porque yo puedo hablar español si tú quieres. Je parle très mal espagnol. Hola, hombre. La casa de Luis es azul. Enfin, après le bac, le coup d'envoi des épreuves du brevet aujourd'hui. Bon courage à tous. Bruno on Fun Radio. 6h02, c'est jeudi. Nous sommes le 23 juin et j'ai envie de vous dire bonjour. C'est bon. Les amis, nous sommes en direct d'Ibiza et on est arrivé quoi hier en début d'après-midi. Je crois qu'on a déjà en termes d'anecdotes de quoi faire une émission jusqu'à à peu près 15h30. Je préfère vous prévenir. J'ai des abdos à force de barre de rire. On a une très très grosse émission prévue pour aujourd'hui. Avant de vous expliquer le cadre sur lequel on se trouve, qu'est-ce qu'on va écouter? Un petit Imani Don't Be So Shy qui va arriver sur Fun dans moins de 5 minutes. Ah. Un petit Bob Sinclair. Et un petit David Guetta. Et le gars qui vous annonce ça a passé la soirée avec un grand Martin Solveig, puisque on est arrivé donc à Ibiza hier. Il faut savoir que le mercredi soir, c'est la résidence de Martin Solveig à Ibiza. Voilà, voilà. Il est bien que cette saison s'arrête demain, les amis. Parce que moi, sinon, ce qui va se passer, c'est que c'est mon enterrement que vous allez vivre en direct. Martin Solveig qu'on a interviewé, interview sur Fun Radio en exclu. On la passera demain, Martin Solveig. Demain. Il a été bien. Il a été canon. Il a été au top du top. Très grande forme, Martin Solveig. Bah, tu vois, toi, t'as passé la soirée avec Martin Solveig. Moi, je viens de commencer ma journée avec du Doliprane, du coup. C'est ça. Voilà, il est là. Elliot n'a pas quitté le bar. Hein. Il était accroché. Il accroché. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné un truc qu'il ne faut jamais donner à Elliot. C'est un bracelet full alcool. Open bar et full gratuité. J'en profite pour saluer les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ah, bah oui. Pour cette petite minute d'apologie à l'alcool est dangereux pour la santé. Justement, et à consommer avec modération. On voulait dire ça, c'est qu'on a testé l'alcool, voilà. Qu'est-ce que ça fait de voir? Mais c'est pas bien, voilà. Voilà. Maintenant, on le sait, c'est fini l'alcool à vie. Voilà. Bon, Christina est là ce matin. Christina, elle s'est levée en chonchonade, je peux vous le dire. Bonjour à tous, il faut que je vous raconte, mais j'ai été réveillée à 3h du matin. Oh. Sachant que je me suis couchée à minuit et demi. Ouais. Donc ça fait très très peu. J'ai fait une sieste, quoi. Ouais. Et faudra qu'on débriefe sur ce qui s'est passé dans la chambre d'à côté. Bah disons que l'hôtel est très sympa. Par contre au niveau des cloisons, ils ont oublié de mettre de l'isolation en fait. Parce qu'il y a un mec qui pète au quatrième étage, moi mon lit il tremble. Hein. T'es à quel étage toi? Je suis au premier. Donc les gars, faut faire quelque chose. Alors, hein, pour on va prochaine. Pas se mentir, c'est vrai que j'ai vérifié. Moi, je m'y connais un peu dans le bâtiment. Ouais. Les murs, c'est du format A4. C'est du format A4, c'est du gros grain. Par contre, c'est celui que tu utilises pour les lettres importantes que t'envoies à la banque ou aux impôts ou sur un CV. Ouais, mais c'est du format A4. Comment ça va, mon Elliot? Ça va. Finalement, il y a que moi qui étais heureux parce que le Wi-Fi merde un petit peu dans cet hôtel. Ouais. Donc du coup, finalement, j'avais plus besoin de YouPorn. Il était à domicile. J'avais juste à me coller contre le mur, tendre l'oreille, et puis j'avais mon YouPorn. Ah, parce que toi, t'as entendu aussi, Elliot? Ah ouais, moi j'avais aussi. Ouais, ouais. Ah d'accord. Bon, je crois que tout le monde a entendu en fait, sauf moi. Ok. Vous voulez que je vous débriefe maintenant? C'était pas moi. Parce qu'attendez, tout le monde dit j'ai entendu, sauf moi. Donc ma femme elle va se dire attends, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était pas moi. Je suis rentré tout seul. Moi je dormais. Ah mais moi j'ai dormi moi comme une merde. Non, on en parlera tout à l'heure. Parce que s'il vous plaît, il y a un moment où est-ce que le streaming vidéo fonctionne? Oui, vous pouvez tout de suite aller sur funradio.fr et vivre ce que j'ai vécu en direct il y a de cela quelques minutes. Je voudrais que vous applaudissiez et le public de Fun Radio qui est venu nous accompagner ce matin. Oh non. Faites du bruit pour Loosman. Ouais. Bravo. Je crois qu'il fallait venir à Ibiza pour voir ça. Donc Loosman a eu un défi. Le défi, c'est pendant deux jours. Déjà, normalement, tu es censé danser aussi, je te rappelle. Oui, pardon, c'est vrai. Excuse-moi. Ah, je peux pas faire deux défis. Ouais. Donc, Loosman a le slip de Borat, qui est magnifique. Oh, c'est-à-dire que c'est vraiment le même que dans le film. Oh, et la moustache, ça te met à ton avantage de ouf. Ah ben non, non. Tu sais que dans cette tenue, il y a certaines boîtes à Ibiza où tu rentreras gratuitement. Bon, je sais pas. Et tu seras d'ailleurs entrée gratuite toi-même. Je tiens à te le dire. Et magnifique, magnifique Loosman. Mais tu sais quoi, c'est pas choquant à Ibiza. Parce que vraiment. Ah, si. Tu peux vraiment se mettre comme tu veux à Ibiza. C'est pas choquant au Brésil parce que tu sais jamais sur quoi tu tombes. Et des fois, il y a un petit string et puis derrière, dessous, il peut y avoir une bosse. Mais à Ibiza, c'est chelou quand même. Hein. C'est le seul que j'ai vu comme ça. Non, mais les poils qui dépassent et tout, t'aurais pu te raser quand même. Okay. C'est horrible. Et est-ce que ça pue à côté de toi, Bruno? Écoute, non, là, ça va. Mais allez voir quand même l'image. Moi, j'ai pris une photo. Il était tout à l'heure de dos face au lever de soleil. Écoute, j'ai eu l'impression d'être un grand photographe, vraiment. Comme chaque matin, l'émission est dédiée à un auditeur de Fun Radio. C'est l'auditeur du jour, vous le savez. Alors, je crois qu'aujourd'hui, l'auditeur du jour est dans le public. C'est ça, Christina? Exactement. Mais qui est-ce? Où es-tu? Fais-toi voir. Bonjour, mon poteau. Bah, prends le micro. Et tu sais qu'il va falloir que tu nous parles. Bon. Tu viens d'où? Alors, de Vincennes. De ton prénom? Denis. Denis, il est arrivé avec nous hier à Ibiza, il a pris l'avion, etc. Et Denis filme tout depuis qu'il est arrivé parce qu'il veut faire un petit film, il est à fond et adorable comme tous les auditeurs qui sont arrivés avec nous. On a passé un super moment. Il y a deux, trois cons quand même dans les auditeurs pour foutre la merde. Denis, meilleur souvenir depuis hier en à peine une vingtaine d'heures? Il a tout oublié, il était trop bourré, Bruno, laisse tomber. Bon, à la rencontre avec Martin Solveig. Ouais, bah oui. Il a été cool, il a pris des photos avec tout le monde, Martin Solveig. On a pris une belle photo, et même avec toi en plus. Ça, oui, ça, on va en faire. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un brief sur les photos, les amis. Et on vient de me souffler que vous aviez eu une nuit agitée, visiblement. Très agitée, je pense. Et en fait, on a rencontré trois filles. Mais non. Vous avez pécho. On est rentré avec à l'hôtel hier soir. Mais non. Vous avez pécho. Et vous avez pécho. Mais je pense qu'en fait, Elliot, c'est nous tes voisins. Pourquoi c'est quoi votre numéro de chambre? Le 105. Et toi, t'es quoi, Christina? Ah, 107, mais c'est vous qui m'avez réveillé à 3h. Mais non, c'est vous. Je suis 108, c'est toi? Mais c'est vous, mais j'hallucinais parce que j'entendais parler français, espagnol ou je sais pas quelle langue. Donc ils ont à côté, pas que parlé, ça m'a réveillé à 3h. Ils étaient en fait, plusieurs. Ils parlaient le roumain. D'accord. Ah ouais, et on comprenait leur langue, ouais. Et D'accord. Autant Christina veut te péter la gueule, moi je viens t'embrasser. Il y a eu un match retour France-Roumanie. Et apparemment, on a encore gagné. Si je puis me permettre de rajouter quelque chose, puisque du coup j'ai tout entendu de A à Z, ce qui était très étrange, c'est que la période câlin, ça a duré, allez, une minute chrono. Ce que j'ai entendu. Même moi, je pense, même moi. D'accord. Ah. Peut-être qu'on va pas rentrer dans ces détails-là tout de suite. C'est gênant. Il y a des gens qui partent bosser tranquille, qui ne demandent rien à personne. Vraiment. C'est ça. Bruno? Oui. Je viens d'aller lui faire la bise. C'est très gênant. Tu pues l'alcool, t'es encore bourré. Effectivement, on est sorti il y a une heure de boîte. Ouais, de rentrer Ok. On va parler du lever de soleil. Ça veut dire que donc une fois que t'as fait ton affaire avec les filles, t'es reparti en club? Non, même pas. En fait, on s'est endormi juste une demi-heure. Ah. D'accord. Et Amélie nous a appelé, puis on est venu en vitesse. Et la douche? C'est pour ça qu'on n'a pas fait de déloc à Poitiers, les amis. On n'est pas sur la même bille, vraiment. Le hashtag ce matin, c'est Bruno à Ibiza. Vos messages sur les réseaux sociaux, vous les balancez. On est déjà numéro 1 top tweet France depuis une vingtaine de minutes, ce qui fait plaisir. Hashtag Bruno à Ibiza, on est en direct et en live vidéo sur funradio.fr. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heat in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. C'est 11, bonjour la France, bonjour tout le monde, bon réveil, c'est Fun Radio. Bob Sinclair, Someone Wounded, qui arrive dans quelques secondes ici en direct d'Ibiza. Hashtag Bruno Ibiza. Il y a déjà quelques messages d'insultes qui arrivent avec le hashtag Bruno Ibiza. Ah ouais, j'ai vu. Ouais. Oui, parce que forcément, si vous allez sur le streaming vidéo, il y a le lever de soleil sur Ibiza juste dans mon dos. Oh. Et je peux comprendre que l'espace de quelques secondes, vous ayez envie de nous insulter. Vos insultes, on les reçoit. Hashtag Bruno à Ibiza, ça marche. Bob Sinclair qui arrive dans quelques secondes. Et puis, on va voir Lauriane qui va être en direct avec nous. Qui est Lauriane, Christina? Alors, Lauriane, c'est donc, elle parle le français, elle parle espagnol. Elle vit ici, à Ibiza. Ouais. Et donc, en fait, on s'est dit que nous, en arrivant à Ibiza, alors c'est vrai qu'on est venu l'an passé, mais on n'est pas resté longtemps. Là, on reste un peu plus longtemps. On s'est dit, il y a des mots et des phrases qu'il faut absolument maîtriser à Ibiza parce que c'est très spécial, Ibiza. Et si vous avez l'occasion de venir en vacances, vous avez besoin de connaître ces mots aussi. Bien sûr. Donc, on va lui demander, elle va nous apprendre, elle va nous donner un petit cours d'espagnol. On va parler espagnol. Oui, seigneur. Oui, c'est ça, dur. Oui, puis même, pour comprendre nous certains mots, par exemple, il y a Mika du JPI, il y a un chauffeur de taxi qui lui a dit puta des madres, il se demandait ce que ça voulait dire. Alors, moi, je lui ai dit, je pense que c'est bonne après-midi, a priori, mais ouais. Pourquoi il t'a dit ça, le gars, Mika? En fait, on a voulu rentrer à 5 au lieu de 4. Voilà, ah, ouais, je suis un peu énervé, mais j'ai cru qu'il me remerciait. Ah non, mais puta des madres, ça veut peut-être dire, il y en a un de trop. Oui, ah, voilà, c'est prévu pour 4, ça veut dire. Voilà, ça veut dire ça. Très bien, ok. Ça veut dire, en gros, c'est ça, c'est attention par rapport à la réglementation en vigueur, on peut pas monter avec une personne de plus. Ou puta des madres. Je pense. Et je crois que le coup de tête qu'il lui a mis, c'est comme ça qu'on fait la bise. C'est au revoir. Ça veut dire au revoir. T'inquiète pas. C'est ça. Donc tout va bien. Ok, bon, bah cool. Voilà. On demandera vérification quand même à Lauriane tout à l'heure en direct. Pour l'instant, on joue. Tout gagné, tout perdu pour jouer avec nous ce matin. Il s'appelle David, il a 25 ans, il habite à Corbeil-Essonne. Applaudissements pour David. Salut David. Salut David. Je vais le faire plusieurs fois, vous allez voir. Ça, et l'avantage du direct quand on est à l'étranger, c'est que je peux le faire dans toutes les langues jusqu'à temps que j'ai quelqu'un à l'antenne et après je peux chanter. David, est-ce que tu m'entends? Hola David. Le gars me parle. Le gars me parle, mais le gars n'est pas là. Est-ce qu'on a un petit problème technique? Faites-moi signe et puis comme ça on passe à autre chose. On prend Lauriane tout de suite dans 5 minutes. Elliot, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un problème technique. Oh, oh j'adore. Problème technique. J'adore. Alors, vous savez que dans ces cas-là, il faut être aguerri. C'est-à-dire que nous, quand on fait de la radio sur Fun Radio, on n'a pas l'habitude des problèmes techniques. Donc, mettons-nous en habitude de problèmes techniques. Okay. RTL 6h15 et visiblement Grégory Vacher, notre envoyé spécial du côté de Moscou, a quelques problèmes de liaison pour nous joindre. Hein. Oui, effectivement, alors on est sur le coup, Bruno, voilà, en direct de Moscou. Bon, je sais pas l'accent de Moscou, parce que bon, évidemment, ça fait des années que je suis installé là, mais j'habitais à Toulon. Hein. Ah, d'accord, voilà, très bien. Voilà, c'est pas du tout que je ne sais pas faire l'accent en russe, c'est que vous me mettez dans l'embarras. D'accord, non, c'est très que bien. Vraiment, j'habitais à Toulon. Mais on est sur le coup, Bruno, on est sur le coup. Très bien. Et bon. On boit de la vodka, forcément. Eh bien, et forcé de constater que nous reviendrons vers vous, forcément, très dès bien. Que tout fonctionnera. J'espère que le standard va revenir un moment parce que sinon on va se sentir très très seul les copains. Ça va et saluons Fonf le réalisateur de cette émission. Ça va mon Fonf? Fonf il a pris un look de Che Guevara en fait. Ou breton, je sais pas, c'est ouais, bizarre. Ouais, c'est un mélange des deux. C'est le seul gars qui vient avec un pull. Normalement, tu pars sur un chalutier pour aller ramasser de la morue et des gambas, et le gars fait réalisateur. Ça vous voulez. Oui, Elliot. On est honnête dans la famille. Ouais. Bon, le standard, ça pue la merde. Je te propose de jouer avec quelqu'un ici. Non, parce que. Non. Écoute, on a dit qu'on allait parler espagnol avec Lauriane. Bon, moi, alors. Je veux que l'on applaudisse Lauriane. Allez. Qui vient de nous rejoindre, s'il vous plaît. Hola, Lauriane. Hola. Hola, ¿qué tal? Si, muy bonita. Ah, bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est très jolie. Bonjour Lauriane, bienvenue sur Fun Radio. Désolé de te faire lever si tôt. Alors il faut que tu parles bien près de ton micro. Des solado, des ayudar, so tarde. Ouais, laisse tomber l'espagnol. Moi je dis, à partir du moment où tu le fais avec crédibilité, les gens ils te croient. Tu crois? Mais bien sûr. Est-ce possible para mí de hablar español? ¿Qué tal está usted? Muy bien. Ouais, tu vois, très bien. Ah, muy bien. Paella chorizo, tu vois, enfin je sais. t'habites à Ibiza? J'habite à Ibiza, oui. Mais tu es française d'origine? Oui, française, mais depuis 2012, j'habite ici toute l'année. Ah. Et donc ça veut dire qu'en 4 ans, tu récupères l'accent espagnol. Ouais, quoi. C'est ça, c'est vrai, ça s'entend. Ah oui? Ouais. Mais ouais, c'est peu, mélangé ouais. Avec l'accent du sud, donc c'est hyper chelou. Charmant. Ça, c'est vrai aussi. Ouais, bah, va pas passer en plus un mois et demi dans le nord, parce que les gens ne comprendront plus. Mais tu fais quoi alors dans la vie à Ibiza, Lauriane? Je travaille dans l'immobilier. Je loue des villas pour les touristes. T'es la Stéphane Plaza. Voilà, ouais. Ah, ok. Alors je loue, je vends pas. D'accord. Et Lauriane, t'as des stars parfois qui te louent des villas? Il y en a beaucoup qui viennent à Ibiza qui te louent des villas comme ça? Des stars en direct? Non, pas vraiment. On a beaucoup de gros clients, mais alors des stars vraiment connues, je crois que j'en ai jamais eu. D'accord. Ah, et on va essayer ce soir. Bon, alors Lauriane, on a besoin de toi puisque tu es parfaitement bilingue. On est d'accord? Oui. D'accord. Donc on a besoin de toi. On a un petit. J'avais envie d'employer le mot glossaire parce que je me disais que sur Fun on l'emploie rarement. Je sais pas ce que ça veut dire. Et ben c'est pour ça que je l'emploie pas. D'accord. Parce que je me doutais bien que j'allais te laisser dans l'embarras. Oui, on a une liste de phrases et on a besoin de la traduction. C'est pour nous, c'est pour des amis à nous qui nous ont demandé. Pas pour nous, c'est pas pour nous. Bien sûr, non, nous on s'en fout, nous, vraiment. Tiens, première traduction pour toi, Vacher. Alors moi j'aimerais savoir comment on dit, par exemple, une fille, je sais pas, enfin pour un pote à moi qui m'a demandé, t'as quel âge? Voilà. Non mais c'est pour ce pote qui. Bien sûr. Ouais. T'as quel âge? Ouais. ¿Cuántos años tienes? D'accord. ¿Cuántos años tienes? Et comment on dit, j'ai un bon avocat? Non, c'est bon. Bon, laisse tomber. Okay. Alors moi j'ai une phrase à demander, mais c'est plus une phrase de fille, du coup, où sont les toilettes? ¿Dónde están los baños? ¿Dónde estás los baños? Baños, c'est les toilettes? Oui. Putain, exactement. Mais moi j'ai posé une question par rapport à ma baignoire, moi hier. Le gars a dû pas comprendre. Je me suis lavé dans les toilettes, il a compris. Mais c'est non, j'ai dit, chelou. J'ai dit, elle est petite la baignoire, mais j'ai dit baños. Ah. J'ai pequeño bien baños. Le mec, il s'est dit, bah quoi, il voulait des plus grands chiottes. Bah mettez-lui une litière. Je voulais qu'on fasse. J'ai pas du tout capté. Comment on dit en espagnol? Là, c'est pareil parce que c'est un pote, des fois il est en galère. On s'échange nos numéros de téléphone, comment ça se dit? Intercambiamos los números de teléfono. Voilà. Ouais. Il est compliqué celui-ci. Et pour ton pote, on va peut-être le noter, non, parce qu'on va pas s'en souvenir. Intercambiamos los números de teléfono. Très bien. Ok, très bien. Une autre, Christina. Ok. Moi, j'aimerais juste savoir comment on dit je t'aime. Ah, ti amo. C'est facile. Ça. Te quiero, ti amo, c'est italien. Voilà. Te quiero. Te quiero. Te quiero. J'arrive pas trop à rouler le R, moi. Vas-y, essaye. R. Ah, c'est la, faut pas confondre, il y a la rota et la exactement. C'est ça, ouais. Je sais, en espagnol, on m'avait appris, il y avait un nom d'auteur qui s'appelait Juan Ramón Jiménez. Oh, voilà. Ça, c'est dur. Je sais pas ce qu'il a écrit, hein, mais je trouvais que c'était super classe. D'ailleurs, tu sais quoi, si on me croise dans la rue et qu'on me dit, mais t'es espagnol, je dirais, mais llamo Juan Ramón Jiménez. Ah, c'est espagnol. C'est classe, vraiment. Moi, j'ai le droit à une phrase. Vas-y. Pareil, hein, c'est pour un cousin lointain qui arrive demain. Est-ce que je peux toucher tes seins pour 1 euro? Oh, non, mais je suis sûr que ça peut marcher. Mais non, ça marche pas. Mais ton cousin lointain, c'est un gros pervers. Mais ton cousin lointain, c'est celui qui sort de prison. Mais j'ai compris ce qui vous choque. Est-ce que je peux toucher tes seins pour 10 euros? Tu demandes pas à quelqu'un de toucher ses... C'est pas du bétail, Elliot. Bon, ouais. Juste, est-ce que je peux toucher tes seins? Comment ça se dit? Il y a pas de question d'argent, bien sûr. Ouais. C'est pas quelque chose que je suis habitué à dire. C'est... Puedes toucher. Puedo tocar, on peut dire ça, juste. Ouais. Puedo tocar. Et les seins, comment ça se dit d'ailleurs? Le pecho. Ah, bah les pecho. Ah, bah les pecho, bien sûr. On est très fruits et légumes ici aussi. Ça fait plaisir. 5 fruits et légumes par jour, hein. Ça compte ou pas ça? Elle compte les pêches pour les 5 fruits et légumes par jour ou pas? Sinon, j'ai bien mangé hier. Ça. C'est vrai que c'est important parce que il parle pas du tout français ici, non, donc non. C'est soit espagnol, soit anglais, mais ouais. Anglais avec l'accent espagnol. C'est ça, donc c'est compliqué. Imaginez-moi, vous voyez mon niveau d'anglais. Ouais. J'ai du mal à me faire comprendre ici. C'est ça. Bah, déjà en français, tu sais quoi? À 5h30 tout à l'heure, tu m'as parlé, j'ai pas tout compris. Lauriane, mille merci. Merci d'être passé nous voir ce matin. On a tous noté. Alors, on repart pour voir. Quel est ton âge? C'est vrai. Quanto año tienes? Voilà. Ah, d'accord. Oh, la sang. Oh là là là là. Et vous savez quoi cette galère? Lauriane, en fait, parfois, on va te garder avec nous pendant deux jours. Et quanto año tienes? L'autre, il va arriver. Quanto año baños tocar tus pechas? La nana va appeler ses potes en disant le mec parle 1000 langues à la fois, je ne comprends pas ce qu'il dit. 6h20, hashtag Bruno et Ibiza, les amis. Nous sommes en direct d'Ibiza à travers toute la France et avec Bob Sinclair. Someone who needs me. Bob Sinclair sur Fun Radio. Est-ce qu'on se ferait pas le tout tout gagné, tout tout perdu qu'on n'a pas pu faire tout à l'heure, rapport au fait que le standard marche pas, mais on fait comme s'il marchait. Ouais. Okay. Parce que c'est Ibiza. Ouais. Ibiza, Martin Solveig, il nous a expliqué hier, quand tu mets le pied ici, tout est cool. D'accord. Bah alors, tu vois, à Ibiza, tu te fais écraser par une voiture. Oh, hop, cool. Et ben c'est cool. Quoi, tu vois. Pourquoi? Parce que t'es quand même à Ibiza. Et ben là, ouais, le standard ne marche pas. Ouais. Pour une émission de radio qui est basée sur des inserts téléphoniques, bah regarde. Bah oui, c'est... On reste cool. On est cool. Mais bien sûr. Bien sûr. Et si à un moment vous entendez plus rien dans votre poste de radio, que vous soyez en train de nous écouter dans votre salle de bain ou dans votre voiture, on reste cool. Mais vous n'entendez rien. Allez, tout au gagné, tout au perdu, on va prendre quelqu'un dans le public. Toto gagné, toto perdu de ce matin, parce que moi j'aime bien ce jeu, parce que c'est l'occasion d'apprendre en s'amusant dans le toto gagné, toto perdu. Bien sûr. On va prendre un des auditeurs qui nous accompagne pour ces deux jours ici à Ibiza. Quel est ton prénom? Il faut que tu parles, mon poteau, dans le micro. Oui, c'est moi, regarde la personne ici. Bah tu vois, c'est moi en fait. Ouais, ouais, voilà. Voilà, c'est... À toi, je vois qui t'es. Toi, t'as accompagné une auditrice qui a gagné, mais au dernier moment en fait, t'es venu. Ouais, exactement. Voilà. C'est quoi ton prénom? Pedro. C'est Pedro, voilà. Tu sais que Pedro quand... à Ibiza, c'est bien. Ouais, mais des fois, il va au Brésil. Et il danse la samba. Il danse la samba. Ouais. Alors, il va de ville en ville. Ouais. Et on sait pas la suite des paroles. Il bat le pas. Il bat le pas, tu vois que c'est non, ça, non, les paroles. C'est un truc chelou. Personne n'a jamais compris la suite des paroles. De toute façon, pas. C'est... Ouais. Ouais, très bien. Okay. Très bien, très bien, très bien. Ouais, et après, c'est okay. Quoi? Ah oui, bah Pedro, tu vas rester ici 4 petites minutes. Bah, tu vois, ça tombe bien vu que c'était ta copine qui avait gagné le séjour à Ibiza. Toi, tu viens de gagner un téléviseur. Tu viens de gagner un PC portable. Une enceinte JBL d'une valeur de 200 euros et la compile de Sundance Floor Summer 2016. C'est pas des conneries ce que je suis en train de te dire, Pedro. Pedro est en train de me faire un truc d'acteur studio. Quoi? Ces quatre cadeaux, il va falloir que tu tentes de les garder. Et pour les garder, il va falloir que tu répondes correctement à quatre questions que je vais te poser. Chaque mauvaise réponse, tu perds un cadeau. On est d'accord? D'accord. Et ben voici la première. En Chine, ah, bon ça n'existe pas. Pedro va en Chine, il tente la tamba, il fait des carabines. Frotter une paire de baguettes avant de commencer un repas est un signe d'invitation à une relation sexuelle. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. C'est une bonne réponse. Yeah. Il est sûr de lui. Pedro, c'est un gros candidat. Je vous le dis. C'est un direct. Signe de politesse signifiant l'agréable perspective d'un repas entre amis. Ah, d'accord. C'est un vrai délire. Bon, bah, j'ai fait des conneries en Chine, alors j'avais mal interprété. Tu autant gardes tous tes cadeaux, Pedro. Deuxième question. À l'origine, faire grève signifier chercher du travail. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. Non, ça c'est vrai. Le mot grève trouve son origine sur la place de grève à Paris où se retrouvaient chaque matin les ouvriers cherchant du travail. Ah, faut peut-être l'expliquer à la SNCF, ça. Faire grève, c'est pas bosser en fait. Ça fait juste chier. Et si tu dis à la SNCF que faire grève, ça veut dire travailler, ils vont venir bosser ouais, tout de suite. Ils vont faire des grèves de la grève. Exactement. Tu viens de perdre le téléviseur, tu joues pour le PC, pour l'enceinte et la compile. Troisième question. Le tableau de la Joconde mesure 1 mètre sur 2. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu vois ce que c'est la Joconde? Ouais, ouais, ouais. Ouais, très bien. 1 mètre sur 2. À ton avis. Faux. C'est une bonne réponse. Ouais, elle est toute petite, la Joconde. Ouais, c'est une tanasse. C'est une tanasse. Ah ouais, quand tu vas voir la Joconde, oui, quand tu vas voir la Joconde au Louvre, alors déjà, le temps de passer le mur de touristes asiatiques qui la prennent en photo sous toutes ses formes, tu te rends compte que c'est une vignette. Ouais, c'est ça. C'est limite le truc que tu colles sur les frigos, tu vois. Alors qu'elle t'attend. C'est moi, je sais que quand tu rentrais dans la salle où allait la Joconde, elle te regarde, elle te suit du regard. Elle te regarde, ouais, c'est où une que angoisse. Tu sois. Ouais, ce tableau, c'est une angoisse pour ça, en fait. Tu sais, tu te grattes le nez, à un moment, tu fais non, pardon, c'est pas moi, excuse-moi. Et tu le colles à un endroit quelque part, tu dis non, c'est pas moi, c'est pas moi. Comment ça marche, tu penses? Il y a un mec derrière le tableau qui fait bouger les bien yeux sûr, et tout. Ouais, bah, c'est Léonard de Vinci, il avait fait un truc électronique. Ça a été très balèze en électronique, de Vinci. Ah, il est fort, celui-là. Dernière question, Pedro. Les premières balles de golf étaient constituées d'une enveloppe de peau de vache cousue à la main et remplie de plumes d'oie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu veux que je répète la question? J'ai l'impression ouais, que j'ai parlé répète, un peu vite. T'as pas dormi beaucoup, toi, cette nuit. Non, non, ouais, non, c'est pour ça. Ouais, j'ai les premières balles de golf étaient constituées d'une enveloppe de peau de vache cousue à la main et remplie de plumes d'oie. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, bien sûr. Hey, le mec, il se fait amener à Ibiza par sa copine, d'accord? C'est ta meuf ou pas du tout? Non. C'est une amie. En plus, il est pas à l'abri de pécho. Et en plus, il gagne un PC portable, la nouvelle enceinte JBL Pulse, qui est waterproof. Et la compile, le son Dancefloor, jeudi, ça s'applaudit. Yeah. Merci. C'est exceptionnel. Eh ben, mec, ça fait plaisir. Alors, je te dis pas que tu vas partir avec Ibiza, mais quand tu vas arriver chez toi, par contre, tu les auras, t'es d'où? De Comines. Comines, ça veut dire viens, Comines, rentrez. les amis, dans quelques instants, il y aura le chiffre du jour sur Fun Radio, comme chaque matin, et c'est le moment de m'appeler, les filles. Alors, vous pouvez appeler, on ne vous passera pas l'antenne, visiblement, puisque le standard ne marche toujours pas, mais déjà faire la démarche d'appeler nous, ça nous fait plaisir, quelque part. 18% des femmes ont déjà regretté avoir fait quelque chose parce qu'elles avaient trop bu, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Oh là, moi je pense que c'est danser sur un bar. Ah là là, c'est... Moi je dirais faire un câlin, mais bon, ça va se vérifier. 32-28, on fait de la radio ensemble. Et sinon, et le hashtag Bruno Fun Radio, on revient en direct après les infos sur Fun, à tout de suite. Je suis l'étiqueteuse de chez Castorama. Et pour vous encourager à aller jusqu'au bout de vos projets, je distribue les petits prix. En ce moment, ça n'arrête pas. Jusqu'au 3 juillet, ce sont les soldes d'été chez Castorama, avec jusqu'à 70% de réduction. Alors foncez. Mais attention, premier arrivé, premier servi. Sur articles signalés en magasin et sur castorama.fr, date légale selon préfecture. Il y a du prix inratable dans l'air cette semaine, dites-moi, et c'est chez eux, hein ? C'est au rayon fruits et légumes, les abricots calibre 45-50 mm, origine France, sont à 2,19€ le kilo seulement. Parfait ! 2,19€ le kilo d'abricots moelleux et parfumés. Oh, pour de l'inratable, ça c'est de l'inratable. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants, liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Jeudi, c'est le 23 juin, bon réveil la famille, où que vous soyez en France, on va essayer de vous amener du soleil ce matin depuis Ibiza, on est en direct ici sur les réseaux sociaux, hashtag Bruno Fun Radio, et le live vidéo sur funradio.fr. Fun Radio, le son Dance Floor. Le point sur l'actu de ce jeudi matin, c'est le 23 juin et c'est Justine Salmon pour les news. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bienvenue. Bon réveil, on débarre par la météo avec du soleil là sur les trois quarts du pays. En revanche, ce sera pluvieux et orageux des pays de la Loire au Nord-Pas-de-Calais en passant par la Normandie, la Picardie et l'Île-de-France où d'ailleurs 13 départements sont en vigilance orange. Il fait très doux, de 13 à 20 degrés ce matin. On attend cet après-midi 25 à Rennes, 27 degrés à Bayonne, 31 à Paris, jusqu'à 35 degrés à Lyon et demain le temps sera plutôt mitigé. Ça y est, nous connaissons l'adversaire de l'équipe de France pour les huitièmes de finale de l'Euro. Nos Bleus seront face à l'Irlande dimanche à 15h et pourraient retrouver l'Angleterre en quart de finale s'ils battent les Irlandais. On aura aussi à suivre en huitièmes de finale un Angleterre-Irlande, un Hongrie-Belgique ou encore un Croatie-Portugal. Pas de match en tout cas aujourd'hui et demain. Reprise des festivités samedi. Nouvel épisode concernant la manifestation contre la loi travail. Dans un premier temps interdite, elle est finalement autorisée avec un parcours proposé par le ministre de l'Intérieur, un parcours d'à peine 2 km au départ de Bastille à Paris. Des manifestations auront également lieu dans toute la France. Un étudiant a découvert un bug dans l'appli SNCF et en a profité pour voyager gratuitement. Alors concrètement, il achetait son billet, se faisait contrôler et pouvait ensuite se faire rembourser via l'application. Par souci d'honnêteté, le jeune homme a prévenu la SNCF. Sa récompense, un colis de remerciements avec des goodies relativement symboliques. Si vous êtes du côté de Marseille ce soir, rendez-vous sur la plage Borély pour une soirée Party Fun Live avec sur scène Tini Tampa, Bob Sinclair et Big Ali, Jonas Blue ou encore Benny Benassi. La soirée est à vivre en direct sur Fun Radio à partir de 19h30. Et puis enfin, une pensée pour tous les élèves de 3e qui passent leur brevet aujourd'hui. Français ce matin, maths pour cet après-midi. Courage à tous et bon réveil, on est en direct d'Ibiza. Toute l'équipe de Bruno dans la radio est en direct d'Ibiza avec un seul mot d'ordre. Ce qui se passe à Ibiza reste à Ibiza. Bah là, partant du principe qu'on a une grosse panne de téléphone, tout ce qui va se passer à Ibiza risque de rester à Ibiza quoi qu'il arrive. 6h32, vous écoutez Fun Radio, bon réveil la famille, on est en direct d'Ibiza, le son de Fun. Ira et Strifi qui va arriver dans quelques secondes avec Bon. quand même une scène lunaire, c'est que pendant que je suis en train de vous parler, le soleil est en train de se lever sur ce rooftop magnifique. On est ici à l'Ushuaïa Club à Ibiza, c'est au-dessus de l'Ushuaïa Hotel. On a une vue sur la plage qui est juste extraordinaire. Et j'ai Loozman, notre standardiste, qui est donc habillé en Borat depuis 6 ans moins le quart, mais qui a oublié que le gars est en Borat. Et donc le mec est en train de passer en slip. Avec mec, tu t'es conscient que t'as le papier qui sort du de l'emballage, le bonbon qui. On est sur un bonbon du cabas quoi. D'accord, ouais, c'est ça. Ouais, la salade qui sort du cabas, c'est comme ça qu'on dit. C'est pas agréable, ouais, j'ai pas faim. Mais il te va, tu sais quoi, il te va super bien ouais, ce maillot. Ouais, mais il est gaulé hein, en même temps. Mais il... tu ne danses pas, Loozman. Ah si, pardon. pour ceux qui veulent voir Loozman danser quand même, il faut savoir que c'est le seul gars qui ne sait absolument pas danser, donc on dirait qu'il a juste envie de faire super pipi. C'est ça. Et il sautille sur place, et pour lui c'est danser. Hashtag Bruno et Ibiza. Ah. En fait, c'est ce qui s'est passé. Il y a plein de gens qui nous ont dit, mais on a l'impression qu'il est malade. Il y aura Môme également. Mais quoi, je viens de découvrir une des premières galères quand tu vas à l'étranger. De quoi ? Je suis en train de me connecter sur la page Facebook pour répondre aussi à vos messages sur Facebook. Je suis déjà sur Twitter. Et du coup, comme tu te connectes de l'étranger, ils ne te reconnaissent pas, ils te demandent de faire des identifiants. Ah oui. Faut que tu répondes à une question à laquelle t'as donné une réponse quand tu t'es inscrite sur Facebook, mais tu ne t'en souviens plus. Genre le prénom du chien de ta mère. Exactement. Et là, du coup, maintenant, il me montre des photos d'amis qu'il faut que j'identifie. En sachant que dans les noms de photos, il y a des gens que j'ai vus qu'une fois, tu sais, c'est des trucs où t'es tagué dans une soirée, les gens, tu les connais pas. Oui, il y a aussi des auditeurs sûrement, donc. Et il dit, comment ça s'appelle? Je sais pas, monsieur. Monsieur Facebook. Monsieur Zuckerberg, je ne connais pas la personne. Donne-moi la connexion. Oui, vous êtes en train de faire ça avec votre 4G à l'étranger, donc. Non, mais j'ai fait un emprunt, je vends la maison, moi. Ah, d'accord, vous aimez vraiment vos auditeurs, là. Comme le système téléphonique de Fun Radio, visiblement, ne fonctionne pas pour l'instant, j'utilise le mien. Vous avez raison. Mais au grand mot, les grands remèdes. Allez, chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. Je vous ai demandé, les filles, de m'appeler au 3228, et du coup, on s'est dit, on va quand même demander à celles qui nous ont accompagnées ici à Ibiza de nous proposer une réponse. Le chiffre du jour nous vient du site grazia.fr. Tu peux le dire à la française, c'est français, Grazia. Grazia. Il vient de Grazia, le chiffre du jour. De Dieu, t'as vu Grazia ou pas? Ouais, carrément, c'est bien, j'aime bien Grazia, moi, les people et tout. Qu'est-ce que t'as vu dans Grazia cette semaine? J'ai vu qu'il y a des coupes. Il y a des couples qui se sont formés là, il y a un gars des ch'tis là, Thierry. Il a un couple avec une meuf. C'est Grazia, c'est chez nous. Les filles, je vous disais que j'avais besoin de vous pour trouver la finalité du chiffre du jour. 18% des femmes ont déjà regretté d'avoir fait quelque chose parce qu'elles avaient trop bu. Christiane, tu disais quoi? Monter sur un bar? Ouais, monter, tu sais, faire la danse parce que tu te sens irrésistible quand t'as un peu trop bu. Et donc tu montes souvent sur des bars et tu danses. Et ça n'est pas Karina du JPI qui dira le contraire. C'est clair. Alors moi, je t'aurais répondu, danser sur une barre de pole dance en short. Combien de temps allait rester la brûlure? Une bonne grosse semaine, très rouge entre les cuisses. Voilà. Karina, un jour, une soirée en boîte, me dit, tu vas voir, je vais faire un pole dance, et elle s'est agrippée à une barre et elle a tourné autour, bien, sauf que la barre, tu sais, normalement, elle tourne sur son axe, pas celle-ci. Non. Et donc, avec les cuisses, ça a fait un système de frottement, en fait. C'est ça, comme pour faire du feu, avec des silex. Et d'ailleurs, on avait allumé des clopes. Grâce à Karina. Grave. C'est pas la réponse. C'est pas la réponse que j'attendais. On a qui d'autre? Alors, bonjour Bruno, bonjour la famille. Bonjour ma belle. Ça, c'est Tiffaine qui nous a accompagnés. Yes. Tiffaine, d'après toi, 18% des femmes ont déjà regretté avoir fait quelque chose parce qu'elles avaient trop bu. Ah bah sûrement. Bah moi, en fait, ça m'est déjà arrivé de me retrouver un peu déshabillée au milieu de la pièce. En fait, j'avais enlevé le haut. Et... Ouais. Donc c'est peut-être déjà arrivé à quelqu'un. Alors attends, c'est bizarre ça quand Pourquoi même. Pourquoi les mecs qui sont venus ici avec nous à Ibiza sont déjà en train de te faire des signes pour t'offrir un verre? Voilà. Bah, en plus, on va pas mal boire. Enfin, en profiter. Hein, week-end. Là, on parlait pas que de toi. C'est une étude en général. Ne balance pas forcément des messages à la France. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. D'accord, très bien. D'accord. Alors, c'est pas la réponse que j'attendais. Y a qui d'autre? Jessica. Salut la famille, salut Bruno. Salut Jessica. Salut. Et là, les gens qui écoutent Fun Radio, ils disent, putain, ils ont un téléphone à Fun. Énorme. Le son est tellement bon, on a l'impression que les gars, ils sont à côté d'eux. C'est fou. C'est là qu'on est fort. Et faisons ça. Jessica, tu nous appelles d'où? De Ibiza. Ah bon? C'est fou, dis donc, on y est, mais t'es où à Ibiza? Devant toi. C'est incroyable. Jessica, 18% des femmes ont déjà regretté l'avoir fait parce qu'elles avaient trop bu. Ouais, bah renvoyer un message à son ex. Ah, c'est sûr, c'est ouais, ça. Ouais, putain, on est d'accord. T'as déjà fait ça ou pas, Jessica? Ouais. J'ai regretté, genre, même pas une seconde après, quoi. Mais c'est ce que je dis maintenant, en plus, avec les téléphones, une fois qu'ils parlent, le SMS, c'est foutu. Terminé. Avant, les premiers téléphones portables, et c'est Papy Bruno qui vous parle, tu l'envoyais et tu voyais la progression du SMS, et au bout d'un moment, tu disais, non, en fait, j'en vois pas, t'appuies sur non. Oui. S'il faut que tu le vois partir. Mais là, sur un Samsung, sur un iPhone, tu l'as dans le cul. Et avant, t'envoyais le pigeon voyageur. T'avais le temps de lui tirer dessus avec la carabine. Non, mais ce qui est énorme, c'est que t'as toujours tes copines, en général, qui te disent non, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Bien et puis tu te retrouves toute seule à un moment donné et tu le fais en scred. Sauf que, on est d'accord, Jessica, il y a deux écoles. Il y a l'école des filles, d'accord ? L'école des filles, quand on voit ce texto un peu éploré en pleurant, en mode série, je crois qu'on a fait une connerie. Ça, c'est le texto des filles. Ouais. Et il y a le texto des garçons quand on voit la même chose en mode tiens, ce serait bien qu'on se revoie, mais qui, dans leur tête, imagine déjà. Ah bah oui. Voilà, des scènes en disant la nana va revenir comme si de rien n'était. T'as raison. Généralement, le texto de la nana fait 1000 km² et le texto du mec, c'est t'es debout. Bon, 18% les amis des femmes ont déjà regretté avoir fait l'amour avec une personne parce qu'elles avaient trop bu. Ah bah oui. Ça t'est arrivé, Christina? Ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça vous est arrivé aussi? Parce que je vois sur Twitter avec le hashtag Bruno Ibiza, il y a Mylène qui disait draguer un mec relou et le pécho. Donc c'est, elle avait la bonne réponse, Mylène. Ah oui. Alors ça, et c'est 18% des filles et peut-être 100% des vachés qui ont été interrogés. Non, non, pas du tout. Moi, en plus, je suis marié, je me rappelle. Non, mais vaché, un ami que je connais qui n'a rien à voir avec toi. Qui s'appelle vaché aussi. Ouais, qui s'appelle Grégory Vaché, mais rien à voir. Parce que moi, c'est juste que je parlais à la fille. Hein, on parlait de très très près. Il reste très fille, c'est tout de suite sur Fun. No sé dónde vete. Se me voy por ti veo. Te veo en el feo. Se me daño un creo. Se me van. Even this is van. Done. Bet you wanna taste it. Bun. Bet you wanna taste it. Sur Fun Radio à l'instant avec Bonne. Dans quelques instants, les amis, et en direct d'Ibiza, on va voir la roue des défis, puisqu'on a amené une roue des défis spéciale Ibiza, d'accord ? Et juste avant, je voudrais revenir sur cette anecdote que je vous disais tout à l'heure. Quand tu te connectes à Facebook depuis l'étranger, puisqu'on est en direct d'Ibiza, t'as des paramètres de sécurité pour voir si c'est vraiment toi, d'accord ? Ouais. Je vous dis, c'est la galère, je galère depuis tout à l'heure. Donc, il t'envoie des photos.

Toute l'équipe de Bruno dans la radio est en direct d'Ibiza. Ils ont prévu leur plus belle tongs et leur plus beau débardeur. Et moi c'est Tuche, je suis Jeff Tuche. Ouais, ça reste Bruno dans la radio. 6h48 en direct d'Ibiza. Les gens disaient sur la page Facebook que les auditeurs qui sont avec nous ne font pas assez de bruit. Ah ouais. En même temps, il faut savoir que les gars n'ont pas dormi pour la plupart. Ouais. Ou alors une demi-heure en gros. J'ai envie de dire, faites du bruit Ibiza. Ouais. Hashtag Bruno à Ibiza sur Twitter, il y a plein de messages qui sont arrivés des gens. On a fait partager sur Facebook, on a fait un petit Facebook live pendant la pub du lever de soleil à Ibiza. Le but étant de vous faire partager tout ça, d'accord? Et pour pouvoir vous venger à distance des gens de l'équipe, on va faire tourner pendant deux jours la roue des défis. Alors aujourd'hui ça va être des défis à la cool, d'accord? Et demain ce sera des défis un peu moins à la cool. Oh. Bah, et surtout qu'en plus il y aura le gage de vacher demain. De quoi? En plus des défis. Ouais. Non, mais vous savez, je vais vous dire un truc, et c'est pas des conneries, j'ai fait des cauchemars là-dessus. J'ai rêvé que vous mettiez un serpent dans mon lit. Alors, dans la chambre d'hôtel. Et bah tu sais quoi, du serpent? Non, du serpent, ça je peux te le dire et je te le dis en ami. Tu vois, je pourrais être un enfoiré, mais du serpent, oui, il y en aura. Ouais. Non, mais, mais en vrai, si vous faites ça, c'est méchant. Déjà, vous allez passer pour des méchants auprès de tout le monde. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai hyper. J'ai fait 5 fois Fort Boyard. J'ai eu des serpents à chaque fois. Le père Forest fait pas caillasser la gueule quand il sort du fort parce qu'il va filer des serpents. C'est un arrêt cardiaque, vraiment. Comment vous allez expliquer ça? Je vais casser l'ambiance. Avec les journalistes qui nous ont suivis, mec, un buzz de ouf. Un buzz de ouf. Allez, si c'est pour le buzz, vas-y. Mais la concurrence ira jusqu'à dire ils tuent des gars en direct pour faire parler d'eux. Les gars sont ouf. Les amis, roulent des défis. Are you ready? La roue du défi. La rueda del desafío. La rueda del desas, vraiment. Ouais, exactement. Ah, donc d'accord. On va tout traduire en espagnol. Eh ben génial. Alors la météo, ce sera quoi? La météo. La météo. Non, je crois que c'est el tiempo. El tiempo. Bultanas. Alors c'est une roue des défis électroniques. Oui. Car oui, ici c'est Fun Radio. Et puis surtout, la vraie roue faisant plus d'un mètre de diamètre dans l'avion, ça aurait été une galère. J'ai les noms de toute l'équipe. Oui. Putain, on est nombreux dans l'équipe. On est 16, il y a même les journalistes. Oh, j'ai l'impression d'avoir le truc de ma comptable quand je vois que tous vos noms qui apparaissent comme ça. On a mis même les journalistes qui nous ont accompagnés. Ouais. Je fais tourner la roue des défis. Premier défi, c'est le défi gentil. On va essayer de battre un record. C'est un record du monde, Christina? C'est un record du monde qui est détenu depuis le mois d'août 2015, donc il est très récent. Ouais. Et le record exact, c'est 39 mètres 56. 39 mètres 56. N'ayez pas de pensée déplacée. Ouais. Elliot, je reconnais ton rire. Oui. C'est le record pour le lancer de tong. Ah. Qui va faire ce lancer de tong? Je lance la roue des défis. Allez. Je crois que vous allez même avoir le bruit, c'est magnifique. Du papier voilà. Plusieurs fois. Hey. C'est ouf ou pas ce qui se passe. Alors du coup, il faut la faire tourner deux fois, parce qu'il y a deux personnes qui vont s'affronter. Alors ça va s'arrêter. Ouais, elle s'arrête, ça y est. Anthony du JPI. Ouais. Okay. Très bien. Bravo. Et alors, deuxième personne. J'adore ce truc. Ah, j'adore, moi aussi. Alors, ça m'excite parce que j'ai le truc sous les yeux. Les gens qui écoutent à la radio, ça n'a aucun intérêt. Le son est beau, c'est de l'âge. Bah, regarde, le son. Action. Là. Oh. C'est le même son quand t'es dans l'avion et que tu demandes une boisson. Anthony contre Anthony. Génial. C'est quoi, il y avait une chance sur mille que ça arrive. Ok. On n'a pas eu de loose toute l'année. Je pense qu'elle va tomber toute aujourd'hui. C'est quoi, je la relance. Vas-y. Vous savez quoi, je sors un petit bifton, c'est re-Anthony. Anto, tu peux t'échauffer en attendant. Si ça ressort, Anthony, je me jette de cette balustrade. Ne me retenez pas. Alors. Ne me retenez pas. Allez, là-haut. Ah. Et Amélie du Standard. Ah, wow. Voilà. Et Amélie qui me regarde avec toute la misère sur le monde. C'est pas grave, c'est un lancer de tong, Amélie. J'ai des petits pieds. Mais. Allez, enlève tes chaussures. Non, mais je pense que chacun lance la même tong pour être oui, dans oui, un délire. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Lancer de tong, on est depuis le rooftop de l'Ushuaia Beach Hotel, ici à Ibiza. Tu disais, le record c'était combien, Christina? C'est 39 mètres 56. Alors, on a mis des repères au sol, d'accord. Il faut savoir que si vous battez le record, Anthony, oui. ou Amélie, vous assommez la personne qui est au bar en face. D'accord, très bien. Donc, si vous atteignez le bar avec cette tongue, déjà vous êtes mes dieux vivants. Ok. Funradio.fr, on a des grosses caméras et tout, on se croirait à la télévision, vraiment. Qui commence? Alors, on va être galant, peut-être, je pense. Honneur aux femmes, ouais. Donc je vais commencer. On va être galant, Anthony, c'est toi qui commence. Alors, Christina, il faut rappeler, le lancer de tongs, ça se lance avec la tongs au pied. Hein. Voilà, en fait, on a la tongs sur le pied. Là, en l'occurrence, Anto, il a choisi le pied droit. D'accord. Plus à l'aise. Très bien. Et donc, il faut la jeter Et normalement, ça doit retomber le plus loin possible. Anthony, 3, 2, 1, go. C'est parti. Ah c'est... Non, c'est... Non, non, non. Attendez. Les gars, c'est juste impossible ce qu'il a fait. Il a fait 10. Je voudrais saluer place. Le geste. La tongue a décollé, a fait 3 saltos et retombé sur la ligne de départ. Mais j'ai fait exprès. 0 mètre, mec. Zéro. Ah, allez, 1 centimètre quand même, bon, non. Tu sais quoi, t'as le droit à un second essai. Ah, et je le fais juste parce que tu es d'origine hongroise et que la Hongrie a fini première de son groupe. Merci Palo. De le rappeler, Bruno. Allez, vas-y, Magyar Power. Vas-y, mon pote. 1, 2, 3. Oui. Ah, oui. Ah, pas mal. Alors là, on est sur du combien? On est la personne en slip de Borat me dit 14. Ou alors elle mètres. Me propose un tarif. Je ne sais pas, je ne parle pas votre langue, monsieur. 14 mètres. 14 mètres. Okay. Amélie. Bon, c'est à moi. Amélie. Ok. T'es prête? Ouais. 3, 2, 1, go. Wow. Oh. Alors, ah, je... alors bah, écoutez, la tongue, visiblement, est partie par-dessus la rambarde. On me fait signe que la tombe est tombée du rooftop. Ah oui, il faut préciser non, qu'on est au dernier étage. Hein. Elle est restée combien, non. combien 14,5. 14,5 Putain, et en plus, elle est partie de travers. Ça veut dire quoi? Eh, Amélie. Ouais. Et bah, c'est gagné, ma chérie. Bah, bravo. Amélie, Amélie. C'est gagné. Et est-ce que t'as eu quoi comme examen? T'as eu ton bac ou pas? Dis-moi la vérité. Non. Et bah, tu sais plus fort. Tu vois? T'as pas eu ton bac, tu t'en branles, mais t'es championne du lancer de tongs. Et bah, ça. Je suis fière. Je peux te dire que sur un CV, tu vas où tu veux. Je m'en porte garant. C'est Fun Radio, les amis. Le son dance floor. Écoutez ça. So, lover, which way have you moved? It's been a while since I've had this good. Cosmic love gave you something gold. Français mots à l'instant sur Fun Radio, 6h57, c'est l'heure du JPI. Fun. J-P-I. Le JPI sur Fun Radio. Journal par en image, c'est le faux journal de l'émission et tout de suite, c'est la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 6h50 du JPI. Et pour commencer, événement à la base autorisé, puis ensuite interdite, puis finalement de nouveau autorisé. La manifestation anti-loi travail aura bien lieu. Mais si je peux me permettre, c'est quand même beaucoup de travail pour organiser une manif anti-loi travail, non? Hein? Gros succès de cette vanne. Hein. Événement ouais, aujourd'hui, toute l'équipe de Bruno dans la radio est à Ibiza. Au niveau température, c'est comme en France où il fait également chaud. Sauf qu'ici, en plus, il y a la piscine, il y a les meufs en string et la musique à fond et les mojitos. Anthony Vosovic est justement parti enquêter à Ibiza. Anthony. Ouais, merci Anthony, merci. Et pour finir, si vous n'aimez pas que votre sexe soit à l'étroit, vous êtes certainement claustrophobe. Ah. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. L'année dernière, on avait des journalistes qui nous avaient accompagnés de Voici, de Gala, de Closer, ouais, etc. Claustrosum avait bien marché. Ce genre de van, ça avait bien fonctionné. Je pense que sur les journalistes du Monde et tout ça, on a moins de. Ouais. Je dis ça, je dis rien. On va faire des vannes sur la crise, vous inquiétez pas. Ouais. J'espère bien. Et que tu mettes un petit coup de poing dans la fourmilière. Ou un coup de pied d'ailleurs. Oui, moi, je suis plus pied. Ouais, bah, tu fais ce que tu veux. Voilà. Dis donc, si t'as des pieds que tu veux pas les montrer, tu mets un coup de poing et puis c'est tout. Des appareils Sido, ça arrive sur Fun Radio avec Ibiza. Et il y aura du Vaché Time là dans 3 minutes. Mon bon Vaché, que se passe-t-il? On va appeler de la vieille personne encore, bien sûr. On va parler un peu des mots que les gens de plus de 50 ans ont du mal à comprendre en fait. On n'a pas la même définition. Petit extrait. Alors, pour commencer, est-ce que vous savez ce qu'est un booty shake? Par exemple, si vous allez dans un lieu branché à Ibiza, dans un bar, on peut vous faire un booty shake. Booty shake, je suppose que c'est un milkshake. Oui, bien sûr. La suite après les news. Je suis l'étiqueteuse de chez Castorama. Et pour vous encourager à aller jusqu'au bout de vos projets, je distribue les petits prix. En ce moment, ça n'arrête pas. Jusqu'au 3 juillet, ce sont les soldes d'été chez Castorama. Avec jusqu'à 70% de réduction. Alors foncez. Mais attention, premier arrivé, premier servi. Sur articles signalés en magasin et sur castorama.fr. Date légale selon préfecture. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez souscrire un contrat d'électricité directement avec l'application EDF et moi. C'est même possible pour le gaz. Et comme tout se fait avec l'appli, vous réalisez vos démarches quand vous voulez. C'est tout de suite plus simple, surtout si vous êtes en plein déménagement. Facilitez vos démarches, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos offres d'énergie sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Monsieur pas compris, apostrophe monsieur papillon. À quoi ça sert de trier les petites bouteilles en plastique? Elles sont si petites, s'interroge-t-il. Monsieur papillon rétorque. Comprenez donc, monsieur pas compris, qu'il faut trier toutes les bouteilles, les petites et les grandes, car elles sont toutes pleines d'avenir, nom de nom. Bien triées, elles seront recyclées et serviront à fabriquer de nouvelles bouteilles, des oreillers, des couettes et même des ours en peluche. Compris, monsieur pas compris? Compris. Vous voulez savoir comment? Allez sur ecoemballage.fr. Géant, envie de fraîcheur? Des légumes de saison à moins d'un euro le kilo? C'est chez Géant. Les tomates rondes grappes, origine France catégorie 1, sont à seulement 89 centimes le kilo. Géant pour régaler toute la famille, non? Une offre à retrouver dès à présent et jusqu'au dimanche 26 juin au rayon fruits et légumes de votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. Offre valable hors Corse. Jeudi, c'est le 23 juin, c'est Fun Radio en direct d'Ibis à la famille. On va se retrouver là juste après les infos, 7h10. Je vais payer de la facture. Et ce matin, les amis, nous aurons Steve Aoki en interview sur Fun Radio. Fun Radio. Le son. Fleur. Vous écoutez Fun Radio dans toute la France, ici en direct depuis Ibiza. On va faire un point sur l'actu de ce jeudi matin avec Alex de Saint-Aignan. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Je sais pas si c'est toi qui m'éblouis ou si c'est le soleil, mais j'ai sorti mes plus belles lunettes. Mec, si tu voulais me draguer, fallait le faire hier soir. Hier soir, après deux verres, j'étais tout à toi, d'accord. Tu n'as pas voulu faire le premier pas, Alex. Ah non, c'est vrai. C'est trop tard, tu ne m'exhiberas pas ici à la vindicte populaire. Allez, bon, les infos, on y va avec la météo. En tout cas, le soleil se lève ici à Ibiza et sur toute la France. Il va faire beau aujourd'hui, au moins sur les trois quarts du pays. Ce sera beaucoup moins beau dans le nord-est. 13 départements sont en vigilance orange ce matin pour des orages violents. Les températures entre 13 et 21 degrés ce matin. Il fera 16 cet après-midi à Cherbourg, 27 à Biarritz, 31 degrés à Paris, 32 à Charleville-Mézières et le maximum 35 degrés à Lyon. On commence par le football. On connaît depuis hier soir l'adversaire des Bleus pour les huitièmes de finale de l'Euro. La France affrontera l'Irlande dimanche après la qualification des Irlandais 1-0 hier soir face à l'Italie. Une affiche plutôt facile pour les Bleus, mais ils pourraient se retrouver face à l'Angleterre en quart de finale. A noter également hier l'élimination de la Suède et donc la retraite internationale pour Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant du Paris Saint-Germain a joué son dernier match avec le maillot suédois. Les derniers qualifiés hier avec l'Irlande, donc la Belgique, l'Islande et le Portugal de Cristiano Ronaldo. Aux États-Unis, si la tuerie d'Orlando n'était finalement pas un acte de terrorisme, un homme affirme avoir été l'amant du tueur. Omar Mateen avait des tendances gays refoulées, selon lui. Il pourrait avoir agi par vengeance après avoir été contaminé par le virus du sida. Omar Mateen a tué 49 personnes il y a une semaine et demie dans une boîte de nuit homosexuelle en Floride. Nouvelle journée de contestation contre la loi travail. Ce jeudi, des rassemblements sont prévus dans toute la France et même à Paris. La manifestation avait été interdite hier, mais la préfecture est finalement revenue sur sa décision. Les syndicats pourront défiler sur un parcours imposé et ultra surveillé par la police. Enfin, le brevet, ça commence aujourd'hui. 750 000 élèves de 3e sont concernés. Première épreuve à 9h, le français. Et puis les maths cet après-midi. Bienvenue sur Fun Radio depuis Ibiza. Bon réveil avec Bruno dans la radio. Allez, regardez. Ibiza. Bruno on Fun Radio. Jeudi, c'est le 23 juin, c'est Fun Radio que vous écoutez en direct d'Ibiza. Et en public. Non, n'en faites pas trop, les amis. Parce qu'après, il faut que ça fasse spontané aussi. Parce que ces gens qui sont là en train de crier, qui sont les auditeurs qui nous ont accompagnés ici à Ibiza, il y a encore 37 secondes, étaient en train de dormir en comatant parce qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. Et on leur dit, les gars, quand on reprend à 7h, faites genre réveiller, mais là c'est trop. Vous voyez, là on n'y croit pas. Et après, contrôle antidopage et tout ce qui s'ensuit. Ce qui est énorme quand même, c'est que donc il y a des auditeurs qui ont gagné leur voyage dans le jeu des 30 secondes. Et il y a aussi des auditeurs qui sont ici en vacances à Ibiza, qui sont venus nous voir. Et donc ça fait un mélange canon. Merci d'être venu, c'est trop cool. Ouais, ça sent le contrôle fiscal quand même. Parce que des gens qui se payent des vacances à Ibiza au mois de juin, excusez-moi, je trouve ça louche. Je dis ça, je dis rien. Bon, les amis, sur Fun Radio dans quelques secondes, des Saparicidos. Hashtag Bruno et Ibiza, on est numéro 1 en top tweet France. Vos messages qui arrivent et on répond à vos messages et on le fait en direct. Il y a également Calvin Harris là, qui va arriver dans quelques secondes avec Rihanna. This is what you came for. Toute l'équipe de Bruno dans la radio qui est là, bien entendu. Que serait cette équipe sans Christina, la reine mère? Bonjour à tous. On est trop bien ici. Il y a Vaché. Bonjour, moi je veux bien répondre au tweet, mais je veux qu'on me rembourse les suppléments 3G. Ouais, j'avoue. Parce que là, je sais pas combien je suis, mais c'est compliqué. Vaché, il a ressorti, il l'a remise sa casquette. Vaché, il a une casquette. Je pense que vous devez vous passer de famille en famille. Oh là là. Il a la casquette. Je sais pas si vous vous souvenez de ce groupe. Attention, je parle aux plus de 30 ans qui écoutent la radio. Une casquette, vous savez, la fameuse casquette Kangol, qui ouais. Franchement dans les années 90 c'était plutôt tendance. Ah, on appelle ça un béret si je puis me permettre. Ouais, ouais. Et ben il l'a ressorti là, Ibiza. Ben oui, mais parce que le problème c'est que j'ai pas une tête à casquette. Et donc du coup, je me dis ce qui me va le moins mal, c'est cette espèce de béret casquette. Non, alors non, je te dis non, non ça ne marche pas. Ben, tu veux que je fasse quoi, comme Nicolas du Web qui met un chapeau en paille? Ah, je suis pas un tuche. Excuse-moi Bruno, c'est Elliot. Parce que je voulais m'acheter un chapeau en paille, ça fait nul. Non mais ça dépend avec quoi, parce que Nicolas lui, il a un maillot de bain fluo avec un chapeau en paille et genre une chemise. Oui, tu vois, mais attention, Nicolas du Web, pour joindre les deux bouts à la fin de l'émission, il va au milieu des champs pour faire fuir les corbeaux aussi, il faut savoir, il fait épouvantail. Il a un deuxième métier quand même. Et il porte des Marcel. Ouais, c'est vrai. Bon. On l'adore. Mais le Marcel, c'est bien quand t'es musclé, quoi. On est en direct d'Ibiza. Il fait beau, il fait chaud. Et je vous jure, voilà, le truc le plus important, c'est de ne pas avoir l'impression qu'on est en vacances. Quand on n'est pas en vacances, on est là pour bosser. D'accord ? Bien sûr. Mais enfin, on a quand même une petite impression de vacances quand même. Bah oui. Je vous cache pas qu'hier soir. Alors, et vous, venez nous suivre sur le Snapchat de l'émission et sur le Snapchat de Fun Radio d'ailleurs, puisque hier soir. On est allé voir Martin Solveig. En fait, on a fait une interview de Martin que vous allez écouter demain. Et Martin nous a dit, Bruno, putain, mais venez, je mixe au Café Mambo. C'est un endroit à Ibiza qui est super connu parce que c'est là où il y a visiblement, paraît-il, un des plus beaux couchers de soleil du monde. Mais ce qui est vrai, pour le coup, on a posté tous des photos, on n'a mis aucun filtre, ce sont des couleurs naturelles. Franchement, c'est assez ouf de voir ça au moins une fois dans sa vie. Hashtag no filter. Bien joué. Yeah. Je supporte pas ce hashtag. No filter, bah ça se voit, t'as des boutons. Et on se disait... Quand tu pars en vacances, ce qui n'est pas notre cas, mais quand tu pars en vacances, il y a des choses que tu es obligé d'avoir. Ah ouais? Tu vois, moi je disais par exemple, il n'y a pas de vacances sans mojito, par exemple. Ah oui, je suis d'accord. Alors, à consommer avec modération, bien sûr, mais oui. S'il n'y a pas le petit mojito des vacances, tu n'es pas forcément en vacances. C'est comme moi, pour le coup, Ibiza, c'est pour ça que j'adore, pas de vacances sans plage. Pour moi, les vacances, c'est obligatoirement la plage. Pas de vacances sans les tongs aussi. Les tongs, c'est la vie, quoi. Moi, j'ai mis les tongs dès hier matin et je ne les ai plus quittés. Ouais. C'est quoi, moi j'ai pas l'habitude d'en mettre. J'ai ce premier truc symptôme des tongs et c'est cette petite douleur qui est entre le gros orteil et Oui, mais moi ouais, ça frotte. Moi ça me donne du plaisir cette douleur. Ouais, mais douleur. Toi c'est ton côté SM ça. C'est dire que c'est du plaisir dans la douleur, c'est pour ça qu'on en parle quand même. Non mais par exemple, il y a pas de vacances sans barbecue. Ah bah bien sûr, grand classique. On est d'accord. Ah ouais. Il n'y a pas de vacances, sans coup de soleil. Moi, ce matin, ça y est, moi, j'ai mon truc de bronzage Marcel, là, tu vois. Moi, j'ai mis un t-shirt, les manches sont plus courtes que celui d'hier. Il y a une petite bande, tu la vois ou pas? Ah ouais. T'es beau, hein. On appelle ça un bronzage de cycliste. Ouais, un bronzage agricole. Il y a plusieurs appellations, mais à la finalité, c'est juste ringard, en fait, le mot. Vous savez quoi? J'ai envie qu'on lance le hashtag pas de vacances sans. D'accord. Et vous complétez derrière, et on le fait au 32-28. Et sur la page facebook.com/Bruno dans la radio. D'accord, on se donne un petit quart d'heure. D'accord. Ok, mais pour l'instant, c'est l'heure du Vacher Time. Fun. Le Vacher Time. Le Vacher Time. Hashtag Bruno à Ibiza, il y a Loclo qui dit j'ai vu le cul de Loseman, je n'arrive plus à boire mon café, lol. Oui, Loseman a mis le slip de bain de Borat. Alors la vanne c'est qu'il croit qu'il va le garder que pour l'émission, mais c'est pour la journée hein, Loseman. Ah d'accord. Oui parce que moi je veux t'amener vraiment. Non me regarde pas. Si regarde-moi dans les yeux. Oui. Baisse-toi plutôt quand tu me parles, c'est très angoissant. Vacher Time, vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Et aujourd'hui j'ai appelé une femme en fait à qui j'ai posé quelques questions. Je lui ai demandé que voulait dire. Certains mots, mais c'est des mots qui sont plus utilisés par les jeunes ou qui ont un peu disparu, tout ça. Et par exemple, un booty shake, c'est quoi? C'est quand une nana vient frotter ses fesses, elle les secoue, machin, tu vois, genre, elle les fait trembler, quoi. Bien sûr. Et par exemple, je lui ai demandé ce que ça signifiait pour elle, à cette vieille madame, qui est pas si vieille hein, d'ailleurs, mais c'est le lancement le plus long du monde. Et en fait, à la fin, je vais spoiler, comme ça, on va être dans la merde jusqu'au bout, ou le mieux, c'est d'écouter. Peut-être. C'est mieux, ouais, on y va. Peut-être ça. La prochaine fois, écris-le. Ouais, allez, on écoute. Allô, oui. Oui, bonjour madame, monsieur Vacher. Je fais un petit sondage en fait sur les mots français trop peu utilisés dans le langage courant. Oui. Est-ce que vous pourriez participer? Bah, si vous voulez. Alors, pour commencer, est-ce que vous savez ce qu'est un booty shake? Par exemple, si vous allez dans un lieu branché à Ibiza, dans un bar, on peut vous faire un booty shake. Booty shake, je suppose que c'est un milkshake. C'est un milkshake, tout à fait. On en trouve beaucoup à Ibiza, c'est la spécialité. Est-ce qu'il y a une reine du booty shake dans votre famille? Ma fille. D'accord. Et quand elle s'approche de vous pour dire « Maman, je vais te faire un booty shake » et qu'elle vous le fait, vous aimez bien, ça vous gêne vous... Je trouve ça délicieux. D'accord. Si je vous dis « être foncedé », est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Être foncedé. Oui. Par exemple, quand on est foncedé, bah, c'est qu'on danse sur la table, on chante. Donc, être foncedé, ça veut dire ? Être heureux. Être heureux, voilà, c'est ça. À quelle occasion vous êtes foncedé, vous, en général ? Une retrouvaille avec les enfants, et enfin, bon, on va, et on s'amuse, et voilà, tout ça. Ouais. Vous interdiriez jamais à vos petits-enfants, par exemple, d'être foncedé ? Non. Ah, non. J'ai eu peur. Pour finir un classique, est-ce que vous connaissez le verbe ken ? Ken. Non. Je peux vous dire en indice que le meilleur moyen de donner le sourire à quelqu'un, c'est de le ken. Ah, d'accord. Donc ça veut dire quoi, ken ? Bah, complimenter. Complimenter, c'est ça. Si je vous dis une personne que votre mari aime bien ken, vous avez une idée comme ça en tête ? Mon père. Ok. Et votre père, il le vit comment ça ? Quand votre mari le ken, ça le gêne ? Il est content ? Ah ben lui, il en veut toujours plus. D'accord. C'est agréable. T'es odieux. J'aime quand la famille ça se passe comme ça. Odieux. Une famille ça doit être soudée. Facture@funradio.fr. Tous les jours 7h10, 8h10. Fun Radio est la seule radio de France à payer vos factures. On va le faire en direct dans quelques secondes. Mais pour l'instant, le son de Desaparecidos. C'est Ibiza. Elle le répète dans la chanson. Ibiza. Ibiza. On aurait été en direct de Romorantin. Elle l'aurait fait. Romorantin. Et ben, ça sonnait moins bien. We'll be right back. Oui, la personne que vous venez d'entendre tousser, c'est Christina. Bonjour. Bonjour à vous. Mais c'est un bon délire, je pense que maintenant pour attaquer au micro, c'est bien de faire. C'est vraiment la. On avait besoin de cette touche sexy dans l'émission et Christina a toujours su l'emmener avec brio. C'est toujours le glamour. C'est génial. Les amis, on est en direct d'Ibiza. Vous êtes des bombes atomiques. Numéro 1 en top tweet France, là, depuis 6h moins le quart, le sujet dont on parle le plus sur Twitter. C'est Bruno à Ibiza, c'est le hashtag que vous utilisez ce matin. Alors, il y a Checkmate, un fidèle de l'émission, qui reprend le sujet qu'on a lancé tout à l'heure. Pas de vacances sans. On est dans un délire, voilà. Qu'est-ce qu'il faut absolument dans les vacances? Ou alors absolument pas, mais ça s'y trouve quoi qu'il arrive. Il a mis pas de vacances sans la mamie nudiste dégueulasse qui a vraiment aucun respect pour nos yeux. Ah ouais. Et c'est vrai qu'il y en a souvent. Hashtag Bruno et Ibiza. Il y a Audrey David aussi qui dit pas de vacances sans le touriste allemand et son bronzage écrevisse. C'est vrai que c'est un classique. Moi je dis aussi pas de hashtag. Merci Elliot. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va noter les phrases d'Elliot tout à l'heure. À 9h, on fera un best-of des trucs qu'il voulait vous dire. D'accord. Oui. C'est plus simple, Elliot. Là, je voulais vous dire pas de vacances sans McDo. Parce que vous connaissez mon rêve de faire un livre sur tous les McDo du monde. Donc moi, à chaque fois que j'arrive dans une ville, je vais au McDo, je vais goûter les Big Mac et le sandwich spécial. Et après, j'écris des petites chroniques, genre. Les amis, c'est le rêve d'Elliot. Ouais. Moi, petit, je rêvais de trouver un vaccin qui empêcherait le cancer. Ou alors... éradiquer la faim dans le monde. Waouh, moi je sais que je rêvais d'aller dans l'espace, sur la Lune. Bien sûr, ouais. Je voulais aller sur la Lune. Christina voulait être une grande chirurgienne, faire des opérations à cœur ouvert à l'autre bout du monde par le biais d'un petit ordinateur et Dieu sait qu'aujourd'hui on peut le faire. Mais que sommes-nous, nous, face au grand Elliot? Elliot qui n'a qu'un rêve dans la vie, faire un guide touristique des restaurants McDonald's. C'est vrai que d'un McDo à l'autre, en plus, le goût change mais tellement, bien sûr. C'est adapté à chaque mais fois. Mais exactement, tu sais quoi, j'ai hâte que tu sors ce livre. Il y a des sandwichs spéciaux, par exemple le méga teriyaki au Japon. Bon, merci. Ça ne merci. C'est un rêve, quoi. Bon, allez les amis, on paye de la facture. Bruno, allô, paye vos factures. Tous les jours, 7h10, 8h10, en direct sur Fun Radio, je suis le seul animateur radio de France à payer vos factures. Et vos factures, pour que je les paye, il suffit de les envoyer. Alors, si vous voulez qu'elles nous arrivent jusqu'ici, à Ibiza, vous les envoyez soit à facture@funradio.fr, ou bien vous les déposez sur le site brunopayevosfactures.fr. Et si on vous appelle en direct, eh bien, c'est que c'est gagné, c'est pour vous. J'ai entendu une petite sonnerie derrière moi qui me fait dire que le coup de fil est parti. Ça me fait dire également que le standard remarche. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Félicitations aux équipes de Fun Radio. Allô ? Oui, allô ? Mathilde ? Oui ? J'aime bien le décalage entre... Mathilde, t'es en train de te réveiller, on est d'accord ? Non, du tout. T'es où, Mathilde ? Dis-moi. Non, je viens d'éteindre la radio, c'est pour ça. Ah oui, tu t'es dit, tiens, on m'appelle, j'éteins la radio. Eh ben, c'est con parce que t'étais dedans, la radio, justement. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? C'est Bruno dans la radio ! Et puis t'arrêtes de crier parce que nous on a picolé hier soir. Mathilde, dis-moi, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie? J'ai 27 ans et pour l'instant je suis gestionnaire PAC pour les agriculteurs. Je les aide pour leurs déclarations, pour les aides. D'accord, t'es gestionnaire. Et je suis bientôt au chômage et merci, tu me sauves la vie, Bruno. Alors, j'ai sous les yeux un découvert bancaire. Ah, attendez, bougez pas. Petite minute, passage d'avion au-dessus de notre tête. Ah, il y en avait. Oui, parce que c'est le petit inconvénient de ce studio. On vous en avait pas parlé, mais il est sous l'aéroport. Vous êtes, voilà. Il va de travers, c'est bizarre. Voilà, hop. Il vient vers nous. Ça donc, il arrive très vite. Mon Dieu. Ah, c'est discret, hein, un avion. Ouais, ça, on avait eu ça l'année dernière, j'avais oublié. Ouais. Voilà. Alors, il passe toutes les demi-heures. Vous avez ça à côté, sympa. Mathilde, est-ce que je peux donner le montant du découvert ou pas? Tu me dis. Oui, vas-y, de toute façon, bon, j'en suis. On en est à plus de 500 euros de découvert, c'est un beau découvert. Et pour une nana qui bosse dans la gestion, j'ai l'impression qu'on est pas mal, Mathilde. Ah du tout, je suis pas du tout gestionnaire, donc oui, j'ai des associés. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, 500 euros, tu sais ce qu'on va faire? Je te fais un chèque de 514 euros, c'est le montant. Et je te comble ton découvert. D'accord, Mathilde. Je te remercie, Bruno, j'en ai les larmes aux yeux. Je vous écoute tous les jours depuis 2008. Eh bien, ne le dis pas. Si tu nous écoutes tous les jours, ne le dis pas. Je vous adore, je vous fais un mille bisous et amusez-vous bien à Ibiza, profitez. Oh, et dis donc, merci ma chérie. Mathilde, merci. Amusez-vous bien à Ibiza. Est-ce que tu crois vraiment qu'on est venu à Ibiza pour s'amuser? On est venu bosser. Hein. On a autre chose à faire peut-être. Ah, s'il te plaît, écoute. Vous buvez pas? Non, on est venu pour travailler. Moi hier à 20h15, j'étais au lit. Voilà, s'il te plaît. Oui, mon œil aussi. Oui, mais en tout cas, ce sera la version officielle. Bien sûr. Et cet après-midi, on va à la bibliothèque d'Ibiza. Bien sûr. Là où il y a des grands auteurs d'Ibiza. Lire le dernier roman. On va lire le dernier roman d'Arturo Pérez Reverte. Bien sûr. Ce fabuleux auteur argentin qui fait des petits polars qui est génial. Et je vais le lire en version originale. Oui. Mathilde, je te fais des bisous. Et la marmotte, les chocolats dans tes amis. Exactement. Des bisous, Mathilde. Gros bisous. Merci infiniment. Merci. Bisous. Bisous, ma chérie. Calvin Harris, Rihanna. Ça va arriver dans quelques secondes, this is what you came for. Et puis au 32-28, on fait de la radio ensemble. Maintenant que le standard remarche, venez nous dire voilà, ce que vous imaginez ne pas avoir en vacances. Il vous faut absolument un truc. On a lancé ça, le pas de vacances sans. Vous complétez cette phrase, on se retrouve juste après ça. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. The Chainsmokers. Galantis. Yo, what's up? This is the Major Lazer crew right here on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Avec Pierre qui court de rayon en rayon. Oui, ce sont les soldes chez Decathlon et il en profite. Randonnée, fitness, basket et j'en passe, il y a des petits prix pour tous les sports. Attention, Pierre sort du magasin essoufflé mais heureux. Oh, belle performance ! Decathlon, à fond la forme. Soldes selon date légale du département sur produits signalés en magasin ou sur decathlon.fr. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez souscrire un contrat d'électricité directement avec l'application EDF et moi. C'est même possible pour le gaz. Et comme tout se fait avec l'appli, vous réalisez vos démarches quand vous voulez. C'est tout de suite plus simple, surtout si vous êtes en plein déménagement. Facilitez vos démarches, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos offres d'énergie sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Maïf, c'est quoi une meilleure assurance habitation? Alors au fait, ton emménagement, ça s'est bien passé? Ah ouais, super, mes nouveaux colocs sont au top. Et comme l'assurance habitation est à la Maïf, j'ai rien eu à faire. Ah bon? Ouais, tout était déjà assuré. Même mon ordi, mon téléphone, mon vélo. Ah ouais, t'es avec des pros de la coloc là. Ouais, j'avoue. Et dis-moi, tu penses qu'il resterait une petite place? Maïf First, assurance habitation pour les locataires et colocataires de moins de 30 ans. On a tout à gagner à se faire confiance. Maïf, assureur militant. Ibiza, la fête, la plage, la piscine, le soleil, les boîtes de nuit bondées, les jolies filles et Bruno en tongue. Oh, dégueulasse. Toute l'équipe de Bruno dans la radio est en direct d'Ibiza jusqu'à 9h sur Fun Radio. Bon réveil la France, 7h23, c'est Fun Radio que vous écoutez, hashtag Bruno à Ibiza, on est numéro 1 top tweet France là. Vous réagissez à ce sujet qu'on a lancé, pas de vacances, sans... Et vous complétez, et puis au 32-28, on va faire de la radio ensemble juste après Calvin Harris et Rihanna. This is what you came for, c'est sur Fun. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Bruno et Ibiza, les amis. Ah bah tiens, on a pris de court le réalisateur qui était en train de bronzer. Ça va, Fonf? Tu me dis, tu mets des... Ok, ça, ça voilà. veut dire oui. Voilà, ça, ça veut dire oui. En langage de réalisateur d'émission en direct, ça veut dire oui. C'est extraordinaire ce qui vient de se passer. Ça va, Fonf, sinon tu veux dire. Ça va bien, tout va bien. Ouais, ça se voit. Les amis, j'en avoir, je peux vous le dire ou pas, j'en avoir les larmes à l'œil à cause d'un message qui vient d'arriver sur le hashtag Bruno Fun Radio. On était en train de déconner tout à l'heure en disant voilà, moi quand j'étais petit, je voulais trouver un vaccin contre le cancer, etc. Il y a Inar qui vient, Ange, qui vient de, avec le hashtag Bruno Ibiza, d'envoyer ce message. T'as pas trouvé de remède contre le cancer, mais en tout cas, t'as réussi à me le faire oublier un moment pendant ton émission. Eh ben, oh. mec, on t'embrasse, mon au poteau. Courage. Courage yes. à toi, frérot. Hashtag Bruno Ibiza. On a lancé ce sujet, pas de vacances sans. D'accord ? Pas de vacances sans, parce qu'on part sur un constat. Vous allez peut-être, j'espère, avoir la chance d'avoir quelques jours de vacances cet été. On se disait, voilà, il y a des trucs. Il faut absolument quand on part en vacances. Christina. Alors, il y en a plein qui arrivent sur Twitter. Il y a Mélanie qui dit pas de vacances sans le gosse à poil à côté de toi sur la plage qui te jette du sable sur ta serviette en jouant. On a toujours envie d'entrer un moment, ce garçon ou pas ? Ouais. Oui, je suis d'accord. Ah bah, et tu, ça tombe bien que tu parles de ça, Bruno, parce qu'on on parlera de ça dans la roue du défi tout ah, à l'heure. Ah oui, c'est vrai, il y a un défi avec, avec le sable. On va en tirer des gens maintenant. Ouais. C'est de plus en plus drôle, les défis. Je croyais que vous alliez dire qu'il va y avoir un défi avec un gosse à poil, ce qui m'angoisse. Non, gênant, gênant, gênant. Maxime, hashtag Bruno Fun Radio, il n'y a pas de vacances sans apéro et piscine. Ah ouais, oui, oui, forcément. Il y a Axel qui dit il n'y a pas de vacances sans le gars qui crie chouchou baigné sur la plage. Ah ouais. C'est que c'est pas un exercice facile. J'ai un pote à moi qui avait fait ça quand t'as le truc avec le petit panier en osier. T'es obligé de changer la lanière de sens toutes les 10 minutes, sinon ça te fait des marques sur le corps. On n'y pense pas à ça, tu c'est vois. C'est vrai, c'est vrai. Martinez de la CGT, est-ce qu'il y pense quand il descend? Eh ben, tu vois, il devrait penser à ces gars. 32-28, bonjour Flora à Marseille. Bonjour la famille. Ah, bonjour Flora. Comment ça va, ma chérie? Ah, ça va super bien. Je t'écoute, pas de vacances sans. Pas de vacances sans une méga bringue en mode nuit blanche à picoler. Ouais, bien sûr. Ouais, tu commences tes vacances comme ça en général. Mais je le dis et je le répète, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, avec l'alcool à partir du moment où il y a quelqu'un de sobre qui n'a pas bu, qui n'a pas fumé, c'est qui n'a pas que... pris de cachet, qui est tout bien pour vous ramener entier chez vous. En ce moment, il y a Elliot qui revend son permis, lui ça. Je te fais des bisous, Flora. Gros bisous. Benoît, bisous. Il est à La Roche-sur-Yon, il a 27 ans. Bonjour Benoît. Salut Bruno, salut la famille, salut Ibiza. Ouais. Salut. Pas de vacances sans, je t'écoute Benoît. Ah, y a pas de vacances sans mettre des jolies filles sur la plage. Ah bah bien sûr. Alors ça jamais de la vie. Ça c'est parce que t'es célibataire, parce que nous quand on est mariés, je peux dire on les voit même pas les filles. Ouais, c'est ça. Je te promets, t'es beau. Ma copine elle est d'accord si je mate des jolies filles. Ah moi aussi. Ah, ouais. Ah moi j'ai imposé ça dans mon couple, je mate et même les meufs topless, c'est bon, c'est voilà, c'est pour la postérité. Mais ici franchement, vous êtes gâtés puisque il y a vraiment vraiment des jolies filles. Mais pour nous la plus belle fille, Christina, ça reste toi. Oh merci Bruno. Menteur, menteur. Il y a la chanson du jour, ça va arriver dans quelques secondes. Je crois qu'on a une demande de couple. On a une officialisation de couple là qui se profile. Peut-être une alerte Rimmel, les amis. On va revenir en direct sur Fun Radio. Il y aura également Dimitri Vegas là pour le son. A tout de suite. La foire au siège auto chez Baby Zeros, l'espace 100% puriculture chez Toys R Us. Jusqu'au 10 juillet, jusqu'à moins 40% de remise sur plus de 150 références. Par exemple, le modèle Trio Joie, groupe 2-3, est à 59,99€ seulement au lieu de 99,99€. Toys R Us garantit le meilleur prix et rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs, même sur Internet. Voir modalité en magasin et sur toysrus.fr. C'était les meilleures vacances de ma vie. J'arrive sur une grande plage, superbe. Enfin non, une petite plage déserte. Et c'est là que je tombe sur cette fille. Non, je tombe sur ces deux filles. Deux brunes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Deux jumelles, blondes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Et on a fait la fête dans une sorte de village hippie. Un village hippie. Voilà, et après on a fait des brunes. Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Avec Intercité, les billets sont à partir de 15€ toute l'année. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur sncf.com. SNCF. Géant, envie de fraîcheur? Des légumes de saison à moins d'€1 le kilo? C'est chez Géant. Les courgettes, origine France catégorie 1, calibre 14-21, sont à seulement 99 centimes le kilo. Géant pour régaler toute la famille, non? Une offre à retrouver dès à présent et jusqu'au dimanche 26 juin au rayon fruits et légumes de votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. Offre valable hors Corse. En ce moment, avec les soldes but, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin. Moins 70%. But, c'est nous. Margot est en couple avec Lucas depuis 3 ans. Enfin non, ils étaient amis à la base, mais il y a 6 mois, lors d'une soirée, ils sont un peu pécho. Et là, officiellement, elle et Mike qui deviennent un vrai couple. Elle veut le faire par la chanson du jour. Ça va être en direct après les news sur Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Pour l'instant, le point sur l'actu de ce jeudi. Vous écoutez Fun Radio, c'est le 23 juin et c'est Justine Salmon pour les news. Bonjour. Bonjour mon Bruno, bonjour à tous et bon réveil. On y va pour la météo. Il fait beau sur les trois quarts du pays. Sur le dernier quart, le nord-ouest, ce sera pluvieux et orageux. On a d'ailleurs 13 départements en alerte orange des Pays de la Loire au Nord-Pas-de-Calais en passant par la Normandie, la Picardie et l'Île-de-France. Et il fait très doux de 13 à 20 degrés ce matin. Cet après-midi, on attend 25 à Saint-Malo. Il fera 27 degrés à Biarritz, 31 à Paris jusqu'à 35 degrés à Grenoble. Profitez-en, ce sera plutôt mitigé demain. La France jouera les huitièmes de finale de l'Euro contre l'Irlande. Les Bleus joueront dimanche à 15h en direct de Lyon. Parmi les autres affiches, Angleterre, Islande, Hongrie, Belgique ou encore Croatie, Portugal. Pause foot pour deux jours. Les matchs reprendront samedi. Nouvel épisode concernant la manifestation contre la loi travail. Dans un premier temps interdite, elle est finalement autorisée avec un parcours proposé par le ministre de l'Intérieur, un parcours d'à peine 2 km au départ de Bastille à Paris. Et des manifestations auront également lieu dans toute la France. Un étudiant a découvert un bug dans l'appli SNCF et en a profité pour voyager gratuitement. Concrètement, il achetait son billet, se faisait contrôler et pouvait ensuite se faire rembourser via l'application. Par souci d'honnêteté, le jeune homme a prévenu la SNCF. Sa récompense, un colis de remerciements avec des goodies relativement symboliques. Dark Vador de retour dans le prochain Star Wars. Le méchant adoré sera de retour dans le prochain opus de la saga selon Entertainment Weekly. Le magazine promet également de raconter le premier jour de tournage du personnage ainsi que la signification de ce retour. Et si vous êtes du côté de Marseille ce soir, rendez-vous sur la plage Borély pour une soirée Party Fun Live. Sur scène, Tini Tampa, Bob Sinclair et Big Ali, Jonas Blue ou encore Benny Benassi. La soirée est à vivre en direct sur Fun Radio à partir de 19h30. Bon réveil à tous. Tout ce qui se passe à Ibiza reste à Ibiza. Enfin, sauf les MST. Bruno dans la radio. En direct d'Ibiza jusqu'à 9h sur Fun Radio. Les amis, nous sommes en direct d'Ibiza et nous sommes en public avec les auditeurs de Fun Radio qui nous ont accompagnés ce matin. Aujourd'hui, ils sont un peu vifs. Demain, je pense qu'on aura quasiment plus d'applaudissements. Ouais. Est-ce qu'il y a, dans les auditeurs, levez la main, mais on est filmé sur funradio.fr. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas dormi de la nuit? Levez la main pour voir. Ouais, ok, une grosse majorité. Celui de devant, les amis. Il est dans le mal. C'est quoi ton prénom? Ouais. Stéphane. Stéphane, il est dans le mal. Stéphane, il est dans le mal, il est en plein soleil, il est à moitié en train de s'endormir. Le gars va avoir un look merguez à 9h15 et il est au bord du décès. Je vous promets que c'est vrai, ce matin, quand je l'ai vu, genre à 5h30, je lui ai dit ça va et tout. Il m'a dit une phrase que je n'ai jamais pu comprendre. C'était à base de ouais, je sais pas ce qu'il a passé hier soir. Pour vous dire dans quel état il est. Mon pauvre, tu peux dire un mot quand même? Non, mais ça va, ça s'est remis là. Il a la voix du mec bourré. Syndrome du pote qui s'endort en classe et la prof lui pose une question. Alors Stéphane, t'en as pensé quoi de la théorie de la relativité? Franchement, j'ai kiffé. C'est bon. Ferme ta gueule. Passe à autre chose. Regarde-moi pas. Me calcule pas. Attends. Dimitri Vegas, Like Mike. Il y a des 4 par 3, des affiches 2, mais partout dans Ibiza. C'est un truc de ouf. Ouais, ils sont DJ résidents, je crois que c'est Alan Nesia de mémoire, le gars qui connaît tout Ibiza par cœur. Et ambiance un peu été, un peu vacances, avant 8h du matin, je vous ressors ça. La fiesta del sleep. Fuji. C'est bon ce truc, c'était Bob Sinclair. Outro Lougar, ça va arriver avec Salomé de Bahia, mais pour l'instant, chanson du jour. Are you ready? Bruno. Le jeudi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du jeudi. La chanson du jeudi. Faites sonner le clairon pour Margot. Bonjour Margot. Margot, ça va bien. T'as 25 ans, t'habites à Marseille. Oui. Tu m'as écrit à bruno@funradio.fr pour participer à la chanson du jour. Vous connaissez le principe, vous avez un message à faire passer à quelqu'un, un de vos proches par exemple, mais vous ne trouvez pas les mots. Les mots, on les trouve pour vous et on les met en chanson. Margot, tu m'as expliqué que avec Lucas, tu étais amie depuis 3 ans. Mais il y a 6 mois environ, lors d'une soirée, vous avez un peu vrillé. C'est bien ça ? C'est ça. C'est-à-dire que vous avez couché ensemble ? Ouais. Et depuis, vous êtes devenus des sex friends ? Oui. C'est-à-dire, explique, en fait, vous vous voyez pour faire des câlins, bah, quoi. Ouais, c'est sûrement pour ça, effectivement. Enfin, on va pas boire un verre ou quoi. C'est le but d'un sex friends, Bruno. Bah, c'est le but de la vie, même un couple, c'est pas mal. Ça me va. Et donc, alors, le problème dans ces cas-là, c'est que bah, dans les sex friends, il y en a toujours un pour qui ça prend de l'importance. C'est rare que ça dure très longtemps. Sûr. Évidemment. Et donc, le problème, c'est que bah, pour toi, t'as des sentiments, t'as essayé de lui envoyer des signaux à Lucas, mais visiblement, il les a pas saisis, ces signaux. C'est quoi comme signe? Bah, je sais pas, je lui propose de. Je sais pas, quand on fait un signe entre potes, enfin, qu'ils viennent, mais dès que je suis là, il essaye d'esquiver, quoi. Ouais. Ouais, bon. Pour bon. Pas que ça soit visible pour les autres, je suppose. Ouais, bon, c'est pas gagné cette histoire quand même, hein. Il est célibataire, on est d'accord? Ah oui, oui. D'accord. Bon, tu me dis que vous voyez au minimum une fois par semaine, soit chez lui, soit chez toi, et que voilà, vous n'avez jamais pris juste un verre tous les deux, ne serait-ce qu'une fois. C'est vraiment, vous voyez pour baiser, en fait. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Bon, et donc tu voudrais dire à Lucas, bah en fait, t'es un petit peu amoureuse d'elle, de lui. C'est un peu l'idée, ouais. D'accord. J'ai l'impression que le gars devant Stéphane, ouais, avec son haleine est en train de me rendre. Il est dans un coma éthylique, ouais, qui est contagieux. Tout à l'heure, il m'a potionné dans la bouche, j'ai 3 grammes. Margot, pendant que je suis en train de te parler, il est en attente au standard. On va le prendre en direct à l'antenne. On va lui faire la chanson, puis après, ce sera à toi de te débrouiller. D'accord, ma chérie? Ok. Au téléphone avec moi ce matin depuis Marseille, il y a Lucas. Bonjour, Lucas. Lucas. Ça marche bien, apparemment. Est-ce qu'on a Lucas quelque part? Parce que alors là, du coup, je vous cache pas que moi, depuis Ibiza et le standard à Paris, je vais pouvoir difficilement faire quelque chose. On a eu peur. Lucas! Allô? Oui, bonjour, Lucas. Lucas, ouais, bonjour. Tu es en direct sur Fun Radio, Lucas. Comment? Je dis, tu es en direct sur Fun Radio, Lucas. Ah bah, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Eh ben, je sais, mais tu sais, hors antenne, on vous dit un autre nom de radio pour que vous puissiez pas vous brancher sur la bonne et nous entendre. Ha! Stratagème! Lucas, si t'es en direct sur Fun Radio ce matin, c'est qu'on a un message pour toi et c'est une chanson qu'il va falloir que tu écoutes car les paroles ont été écrites spécialement pour toi. D'accord, mon pote? D'accord. C'est un message. J'entends très mal. C'est un message. On va monter le son dans ton téléphone. C'est un message de la part de Margot, ok? Margot, d'accord. T'écoutes les paroles et on en parle juste après. C'est parti. Chanson en live. Attention en live. Ah, tu chantes en live? Et oui, oui. Ah merde, ah merde, oh bon, bah, merde. Moi je vais faire un tour. Mon Lucas, t'es sûrement persuadé que tout ça peut continuer comme dans un rêve éveillé, mais c'est pas le cas. Toutes les bonnes choses ont une fin, car Margot se réveille enfin. Elle en a marre, tu la vois que pour son nain. Lucas, si tu veux toujours finir dans son pieu, il va falloir que ça devienne sérieux. Et ouvre donc une bouteille et serre-lui un verre, sinon tu vas te la mettre sur l'oreille. C'est terminé. Tu n'as plus de plan cul régulier. Et oui, sa minette est fermée. C'est terminé. À moins que tu l'invites boire un café. Des sentiments se sont créés. On pense plus à ton zizi tout gonflé. Lucas, car c'est quand même mieux de s'aimer pour coucher. Ouais. Bravo. On fait ce qu'on peut. Écoute. Le gars s'est enflammé comme s'il était vraiment à l'Eurovision. Et j'adore. Et là, parce que quand il chante, il fronce les sourcils et tout. On dirait Julio Iglesias. Ah, si. Le chanteur pour mamie, tu sais. Bon, Lucas. Ouais, je vous entends pas très bien. Ouais, je sais. Bon, genre, ouais. Ça coupe, je passe sous un tunnel. Le message, en gros, c'est que elle nous a appelé, ta chérie, ta copine, pour nous dire que le plan juste pour le cul, elle en avait un peu marre et qu'elle elle aimerait se mettre en couple. Voilà, elle aimerait que vous soyez vraiment. Ouais, ça j'avais cru comprendre. Ouais. Bah voilà, et bah donc du coup, elle se pose des questions, voudrait savoir dans quel délire tu es. Alors moi, forcément, je te fais passer le message en chanson, mais le mieux, c'est qu'elle te l'explique de vive voix. Margot, t'es en direct avec Lucas. Oui, salut. Salut. Ça va ? Bah oui. J'ai hâte de savoir ta réponse en fait. Tu sais quoi ? Je te kiffe aussi moi. Oh ! Tu m'attendais pas du tout ça ? Yarmé. Attends. Bah, je pensais que tu te satisfaisais de cette situation là en fait. Voilà. Plus maintenant en fait. Plus maintenant ? Non. Alors ? Donc quand tu dis officialisé, enfin c'est. En gros, il faut que je t'invite. Plus qu'on va officialiser de la demain, quoi, mais qu'on prenne notre temps aussi. Mais. Tais-toi, Margot, il allait faire un truc. Pardon. Je suis surpris parce que je m'attendais pas à ça. Donc voilà, enfin, oui, je l'aime bien aussi, Margot. Elle le sait, ce que j'ai déjà dit. Donc, est-ce que tu es prêt à officialiser votre couple et devenir un vrai couple face à la face de la France ? On va faire une sortie ce week-end. On va aller. C'est quand tu pars faire de la varap avec des potes et tu dis les gars, on va faire une sortie. Ça, d'accord. Mais là, elle te demande est-ce que oui ou non tu veux être en couple avec elle ? Allez, c'est oui alors. Champion du monde ! C'est la pire connerie de ta vie, mais bravo ! C'est cool, mais tu sais, nous aussi on peut rendre service, on est là pour ça. Margot, Lucas, soyez heureux les amis, on vous embrasse. Merci à vous. Ciao. Bisous à tous les deux. Ah, c'est cool quand ça se passe comme ça. Mais si ça se trouve, il est aussi radin que Vaché là. Il se dit putain, je vais devoir l'inviter au resto. Comment je vais faire ? Faut que j'économise. Ouais, non, il y a que Vaché qui est comme ça. Je l'ai senti un peu quand même. Je vais dire ça parce que je suis en direct. J'avoue. Ouais. Ah non, il y a un truc, je pense. Il me fout la paix. S'il avait la tête du gars qui est en train de me parler pendant qu'il est en train de matcher une autre meuf sur Tinder. Non, même pas du tout. Si, excuse-moi de te le dire, mais ça sentait un peu ça. On est en Ibiza. Direct. Petite roue des défis, on l'a amené à Ibiza, on va la refaire tourner dans 5 minutes. Vous restez en direct, hashtag Bruno et Ibiza, à tout de suite. People of Tomorrow. Fun Radio vous envoie au plus grand festival. Tomorrowland. Salut, c'est David Guetta. Hey, this is Dimitri Vegas and like Mike. Rendez-vous. See you at Tomorrowland. Dès que vous entendez Dimitri Vegas and like Mike, mixé avec David Guetta. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez pour 3 jours de fête à Tomorrowland. Tomorrowland, how are you? Des DJ et des meilleurs festivals. This is Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Si le canapé, je le mettais plutôt ici et la table comme ça. Du coup, l'étagère, je la mettrais là et la lampe ici. Voilà. Il ferme le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez IKEA. Profitez de prix encore plus bas sur des milliers d'articles signalés en magasin. À condition de tout rentrer dans le coffre. IKEA. Dans la limite des stocks disponibles. Casino. Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casinomania. Alors vous, Julien, c'est quoi votre manie ? Alors moi, pour encore plus savourer la promo sur le champagne éthique, je prends une bouteille, je vais me balader, et puis je reviens prendre la deuxième qui est gratuite. Jusqu'au 3 juillet, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'une bouteille de champagne, Heineken Co. Monopole Brut Grande Cuvée 75 centilitres, la deuxième est à 0€ au lieu de 28€. Casinomania, encore et toujours plus fou ! Avec Casino, prenez goût aux économies. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde. Sur funradio.fr. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Radio. Bienvenue sur Fun Radio, la famille, en direct d'Ibiza. Vous écoutez Fun Radio, il est 7h48 en direct du rooftop de l'Ushuaïa Hotel, ici à Ibiza. Live vidéo sur funradio.fr. Hashtag Bruno à Ibiza sur Twitter. On est en top tweet là depuis 6h du matin avec plein d'images. Des gens qui ont des photos aussi de chez eux pour contrecarrer avec le lever de soleil qu'on a ici. Et il y a Lolol qui vient de nous envoyer un message avec le hashtag Bruno à Ibiza. Ils ont pécho un peu les auditeurs. Oh. Alors toi, tu n'étais pas là à 6h. Ouais. On en reparlera peut-être dans le top 3 d'Eliott. Ouais. Il faut savoir que Christina s'est levée un peu chonchon ce matin. À 3h, je me suis fait réveiller en sachant que je me suis couchée à minuit et demi. Voilà. Et donc, parce que dans la chambre d'à côté, il y a des gens qui sont rentrés tard, visiblement avec des filles. Ouais. Oui. Qui ont eu des câlins, mais très rapides. Voilà, ça a été très rapide, ça a été sexuel, mais très rapide. Voilà. Et Christina a gueulé en disant c'est qui, c'est con, machin, etc. Ouais. Et parallèlement à ça, ce matin, on a deux auditeurs qui sont arrivés, un peu en mode on n'a pas dormi de la nuit, et en mode les gars, on a pécho. Et donc, on s'est rendu compte en direct à l'antenne que, bah, en fait, ils étaient dans la chambre d'à côté, celle de Christina. Voilà, voilà. Donc vous n'avez plus de secret pour et moi. Et on s'est rendu compte également que, visiblement, ils étaient éjaculateurs précoces. C'est un autre sujet. Et honnêtement, c'est pas le genre de choses dont j'ai envie de parler ici. 8h10, on va payer de la facture en direct, mais pour l'instant, nous refaisons tourner la roue des défis. La rueda del desas. Del desafío. Rien à voir. Non, des desafío. Desafidos. Desafidos. Ah ouais. Les amis, on fait tourner la roue du défi. Premier défi tout à l'heure en mode un peu plage. Nous avions décidé de battre le record du lancer de tong. Il était établi à combien? 39 Alors, mètres. Ouais, il n'a pas été battu, ouais. Mais on a une championne quand même. Amélie qui a fait 14,5 mètres, qui a déjà annoncé ça sur Twitter, Facebook. Elle est très fière d'elle. Et elle veut se proposer à faire Secret Story pour la prochaine saison. Mon secret, j'ai fait 14,50 mètres au lancer de tong. Le nouveau défi, c'est quoi, Christina? Alors, défi con qu'on a tous fait quand on a à peu près 5 ans à la plage. On va enterrer l'un de nous dans le sable, sur cette belle plage d'Ibiza, et on va voir combien de temps on le laisse. Comme ça, enterré, il faudra qu'il y ait juste la tête qui sorte du sable. Alouette. Et il y a des dameuses hein, qui passent sur la plage, vous avez vu ou pas? C'est le défi qui va mal tourner. On va entendre un crac. On va dire, oh merde, on avait oublié. Les amis, vous vous rendez compte que si ça tombe sur Eliott, il va falloir du temps quand même. Hein. Ah ouais, là, il faut des pelleteuses. Hein. On a des grosses pelles. Ouais. Appelez Bouygues. Bon, je lance la roue des défis. Elle est électronique, mais vous suivez ça sur Fun Radio. Ah non, je ne l'ai pas lancé assez fort. Voilà. Il y a sur tout, y a tout le monde. On est 16, il y a même les journalistes dessus. Et alors, on a qui? Putain, et alors, attendez, ça va être galère parce que je vous explique. Ça va être toi, ça. Ouais. Ah. Alors, on avait dit hors antenne, ça peut pas tomber sur Eliott, Christina Vachier ou moi, puisqu'on est à l'antenne, on peut pas animer depuis la plage. Donc, allez, honnêtement. Relance, ça donc va. Donc, je relance. Ah, donc ça va encore tomber sur un de nous quatre. Ouais, on va faire ça pendant une demi-heure. On aurait peut-être dû enlever les noms dans du truc, non? Non, mais oui, je sais. Alors, c'est... les amis. Prends celui d'à côté. Ah non, c'est qui? C'est tombé sur Eliott. Non. Donc, attends. Voilà, relance. Le moment de radio le plus long du monde. Moi j'ai des verres à boire, il y a des ginto au bar qui m'attendent, alors ça va vraiment faire hop. Ah, c'est Christina, c'est qui? Ah, très bien. C'est le producteur de l'émission Pierre. Ah, ah, ça lui apprendra son insolence. Et bah voilà, et bah Pierre, tu descends, allez, on t'accompagne. Pierre, il faut savoir. Alors, normalement, il va arriver en disant j'ai une allergie au sable. Ouais, c'est ça, au soleil. Soit je le fais pas, je suis allergique au soleil. Il aura un problème, quoi qu'il arrive. C'est quoi le problème, Pierre? Mon problème, c'est que j'ai un trop grosse gag. Mais t'es ouf! Il est 8h10, il y a des enfants qui écoutent, Pierre! C'est pour ça que je vais parler un peu en verlan chelou, 9-3 connexion. Et tu crois quoi? Tu crois que mon fils de 8 ans il comprend pas ce genre de choses? Désolé, Anatole. Ouais, bah s'il te plaît. C'est quoi, tu files? On te ressortira pas du sable avant 9h15 pour la fin. Bah, du coup, tu vas creuser avec, mec, on va te regarder. Les amis, le gars il fout. Alors tu te dis quoi? On est à Ibiza, il y a plus de filtre donc. Mec, tu t'es cru. Non, parce que je suis un peu en panique, je suis un peu claustrophobe. Ouais, et là, pour le coup, et comme j'ai un gag énorme. Oh, ça suffit, merde. Je vais te taper. Les amis, c'est Fun Radio. Fonf, je te fais des signes depuis 2 ans, mais vu que tu me regardes pas, je te le dis au micro, envoie le disque. Fonf, il est en vacances. Hein. Le mec, il est en train de se dorer gauche, droite. Il est tu bien, sais que nous, on fait de la radio. Alors, je parle dans le micro par plaisir, mais enfin, un moment, faut que tu fasses quelque chose. Salomé le Baya, c'est sur Fun. Fuji à l'instant sur Fun Radio. Je vous explique, je vous dis tout ce qui se passe. On a en des problèmes de riches. Hein. Voilà, on était en train d'essayer de caler un parasol parce que si j'ai ce soleil qui me tape sur la nuque comme ça, les amis, je finis en nuggets. Le problème, monsieur, c'est qu'on n'arrive pas. Je me disais, ça sent le poulet. C'est toi, en fait. Mais mec, c'est-à-dire que j'ai mis de la protection 30, mais je pense même avec, il y a ma peau qui est en train de se décoller, les gars. Je suis en train de muer comme un serpent. Dans 3 minutes, 8 heures, c'est l'heure du JPI. Fun. Le JPI sur Fun Radio. Journal pour en image, c'est le faux journal de l'émission. Tout de suite, là, c'est la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et voici l'édition de 7h50 du JPI. Et pour commencer, brevet aujourd'hui pour les élèves de 3e, c'est l'épreuve du brevet. Et pour vous déstresser, pensez à Nabila qui n'a réussi qu'un examen dans sa vie, son examen d'urine. Football, on connaît désormais l'adversaire des Bleus pour les 8e de finale. Il s'agit de l'Irlande. On souhaite bonne chance aux Bleus. Pour le match ? Non, pour tenir 90 minutes à côté de 11 roues qui transpirent. Toute l'équipe de Bruno dans la radio est en direct d'Ibiza. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Et voyez-vous, Ibiza, c'est une île incroyable, un joyau de l'architecture et d'histoire. Une île où se marie parfaitement beauté des paysages et patrimoine historique riche. Qu'est-ce qui vous prend, Anthony, là ? Bah, je déconne ! Ibiza, c'est de la meuf en string et de la teuf ! Wouhou ! Ibiza ! On a eu peur, on a cru qu'on vous avait perdu. Et pour finir, cette question. Est-ce qu'à Noël, les fans d'informatique se font un bisou sous le geek ? Ok, bravo. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Ibiza, c'est le rendez-vous des DJ internationaux. Hier, on a eu la chance, avant son set à l'Ibiza, à Ushuaïa Ibiza, d'avoir Steve Aoki. Grand, énorme DJ. Le mec, ouais. Un des plus gros DJ de la planète. Le mec dans une jongenterie de ouf qui a passé un petit moment avec nous. On lui a posé des questions sur ses sets, sur ce qu'il prépare. Et il a des trucs sur les artistes français. En fait, il est fan d'un artiste français. Il nous dira ça tout à l'heure, 8h15, Steve Aoki, en interview sur Fun Radio. Mike Posner. Occupé les nébis, ça. Ça arrive dans quelques secondes et puis 8h10 en direct. Je paye de la facture et puis on va faire le défi là avec donc notre producteur Pierre qu'on est en train d'enterrer dans le sable. Voilà, il faut qu'il y ait juste la tête qui dépasse. Alouette, à tout de suite. Dans un monde sans espoir, sans âme, sans rire, sans dentifrice, elle est la seule à pouvoir changer les choses. La grosse émission revient sur Comédie Plus, du lundi au vendredi à 18h22, environ. Le jeudi 23 et vendredi 24 juin, Leader Price frappe encore plus fort sur les prix. Le kilo de pêche blanche est au prix imbattable de 1,49€. Oui, vous avez bien entendu, seulement 1,49€ le kilo. À ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Et c'est uniquement chez Leader Price. Pêche blanche catégorie 1, calibre 61-67mm, origine France. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Dis, oui. Tu aimes le cinéma ? Ah bah oui, bien sûr. Tu vas être content. Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom offre à ses clients Bibox 20 films en VOD. Waouh, 20 films en VOD sur ma Bibox Miami ? Oui. Avec les pop-corns ? Ah. Non mais je demande, bah tant qu'à faire. Tu es tellement drôle. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous réservons à nos clients Bibox. 20 films de légende offerts en VOD. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Géant solde les soldes et frappe fort avec des remises supplémentaires sur des produits déjà soldés. Par exemple, jusqu'à samedi seulement, sur la caméra sport PNJ SD100 8 mégapixels, vendue 64€, une remise supplémentaire de 30%, soit la caméra sport à seulement 35€. Solde du 22 juin au 2 août, hors Corse et Alpes-Maritimes. Les prix bas, c'est géant. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Chaud ! Qui veut des choux ? Chaud ! Mais ça, c'était avant. Chouchou ! Qui veut des chouchous ? Des bons chouchous ! Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Les amis, vous savez quoi? Ça sent le test d'avant la rentrée prochaine. Nouvelle rubrique tout à l'heure, juste avant la facture de 8h10 avec Mika et Karina du JP. Je crois qu'ils m'ont vendu ça hier soir entre deux mojitos en disant tu vas voir, ça va être génial. Ouais. Et ben, je le découvre maintenant. Le mieux, c'est de le voir porter. Tout à l'heure, 8h10, ça s'appelle les 10 choses à ne pas faire. À tout de suite sur Fun Radio. On revient après les news. Fun Radio. Le son. Dance. Floor. Il a mis sa petite crème solaire sur son tarin, Alex de Saint-Aignan. Eh ben oui, il faut se protéger. Hein. Il voulait pas avoir un petit coup de soleil sur le nez. Les infos, Alex de Saint-Aignan tout de suite, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. L'info de la matinée, c'est d'abord la météo. 13 départements en vigilance orange pour des violents orages et des risques de grêle sur le quart nord-ouest du pays, des pays de la Loire au Nord-Pas-de-Calais. Pour le reste, en revanche, le reste de la France, grand soleil et de la chaleur entre 13 et 21 degrés ce matin. Vous aurez 21 degrés à Rennes cet après-midi, 27 en Corse, 28 à Bordeaux, 29 à Paris, 33 à Strasbourg. Le football d'abord à l'Euro 2016. On connaît depuis hier soir l'affiche des huitièmes de finale pour l'équipe de France, les Bleus affronteront l'Irlande dimanche. Une affiche relativement facile, mais la France pourrait se retrouver face à l'Angleterre en quart de finale. Autre qualifié hier soir pour les huitièmes, la Belgique, l'Islande et le Portugal de Cristiano Ronaldo. A noter également hier l'élimination de la Suède et donc la retraite internationale pour Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant du Paris Saint-Germain a joué son dernier match avec le maillot suédois. Les opposants à la loi travail, à nouveau dans la rue. Aujourd'hui, nouvelle journée d'action dans toute la France. Des défilés sont prévus et même finalement à Paris. La manifestation interdite hier a finalement été autorisée par la préfecture dans la capitale sur un parcours réduit, imposé et largement surveillé. 2000 policiers seront mobilisés sur place pour empêcher des nouvelles violences. Omar Mateen était 100% gay. Le tireur de la fusillade d'Orlando aux États-Unis pourrait finalement avoir agi non pas par terrorisme mais par vengeance. C'est en tout cas ce qu'affirme un nouveau témoin qui affirme avoir été l'amant du tueur. Omar Mateen avait des tendances gays refoulées. Il serait passé à l'action après avoir été contaminé par le virus du sida. Omar Mateen a tué 49 personnes il y a une semaine et demie dans une boîte de nuit homosexuelle en Floride. Les soldes ont commencé hier. Ça démarre plutôt bien. De nombreux clients étaient dans les magasins, notamment grâce au beau temps. Mais les commerçants se montrent prudents après une saison particulièrement compliquée. Enfin, le brevet, ça commence aujourd'hui. 750 000 élèves de 3e sont concernés. Première épreuve à 9h, le français. Puis les maths, ce sera cet après-midi. Bienvenue sur Fun Radio depuis Ibiza. Bon réveil avec Bruno dans la radio. Ibiza! Bruno on Fun Radio. 8h04 en direct du rooftop de l'Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. Devant, face à la mer. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai envie de chanter face à la mer. Oh, t'embête pas. Oui, non, c'est... avec toute l'équipe de Bruno dans la radio, avec les auditeurs qui nous ont suivis, là, qui passent trois jours avec nous jusqu'à samedi, ici en direct sur Fun Radio, avec le son d'Ibiza. Après tout, eux sont partis grâce à Mike Posner. Dans quelques secondes, I took a pill in Ibiza. C'est à 8h10 que je vais payer de la facture. Il y aura Imani. Don't be so shy. Toute l'équipe de Bruno dans la radio est là. Il y a Christina. Les gens demandent comment sont habillés les gens de l'équipe. Alors, je vous lis, il y a le funradio.fr pour voir le live vidéo. On a mis un gros système vidéo pour que vous puissiez profiter de la vue, vous aussi. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, Christina, petit haut jaune. Bonjour. Et oui. Petite mini jupe en jean. Non, mini short. C'est un mini short. Mini short en jean. Ah ouais, poum poum. Short à fond. Bien sûr. Va chez les t-shirts du Brésil et Bermuda. Et les tongs. Voilà. Forcément, les tongs. Elliot, t-shirt noir et un caleçon. C'est quoi les motifs sur ce caleçon? C'est des petits ananas. Waouh. Magnifique. Okay. Wow. Oh, ça va. Et par contre, juste moi, je déteste les tongs. Alors, je suis le seul mec qui marche à la plage en basket. Donc là, j'ai des Nike fermés. Donc ça non, pue. C'est pas possible. Ça, les baskets à la plage, il y a le sable qui rentre dedans, ça me rend dingue. Ouais. Ça me rend dingue. Bon. Et toi, Bruno, disons-le aussi, un petit Bermuda blanc. Oui, tout à fait. Petit t-shirt noir. Oui. Et des petites tongs aussi. Oui. Et parce que, alors, il faut savoir que le privilège des auditeurs qui sont ici, c'est qu'ils voient mes pieds. Je sais pas si on peut appeler ça un privilège, Bruno. Ouais, non, mais ouais, parce que je monte jamais mes pieds. Donc là, voilà, ceux qui sont ici, c'est pour ça que dans les jingles, il y a marqué ce qui se passe à Ibiza reste à Ibiza. Parce que, voilà, mes pieds ne doivent pas sortir de ce studio. Ce que tu disais hier, c'est que tu as des orteils qui touchent pas le sol, c'est ça? Oui. En fait, alors pour vous donner un exemple, je vais rajouter au glamour de mon personnage. Ouais. Il peut grimper un arbre. Voilà, pour vous donner un exemple. C'est des griffes en fait. Ouais. Voilà. J'ai les pieds d'un vélociraptor. Ah, voilà, là tout de suite voilà. C'est clair. J'aurais pu faire doublure dans Jurassic Park. Voilà, vraiment, j'ai les pieds d'un vélociraptor. Ah, mais faut le dire aux gars parce qu'il y a des gars qui sont en train d'étudier tes traces de pas sur la plage et qui ont peur. Non, mais c'est que Bruno, vous inquiétez pas, il n'y a pas de dinosaures, ça va. J'en profite pour embrasser tous les auditeurs de Fun Radio. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages. Merci beaucoup avec le hashtag Bruno à Ibiza. On est numéro 1 entêté sur Twitter depuis ce matin. J'embrasse notamment Amélie qui nous dit merci la famille de me vendre du rêve et de me faire rire. Bisous la famille, amusez-vous bien et buvez un coup pour moi. Avec on plaisir. On peut en boire plusieurs. Si ouais. Hashtag Bruno à Ibiza. Il y a Céline qui dit Bruno me donne envie de faire ma valise et de partir en vacances. Maintenant, j'adore cette émission, elle fait du bien. Et merci, c'est aussi pour ça chérie. Qu'on est là, les amis. Est-ce qu'on ferait pas un point sur notre défi? Ah. Au bout des défis tout à l'heure, Pierre qui est le producteur de l'émission. Pierre est parti sur la plage puisque Pierre va se faire enterrer sur la plage d'Ibiza. Alors vous pouvez le voir sur funradio.fr puisque on a amené des moyens à chef. Il y a la caméra qui le filme. Donc vous allez voir, si vous allez voir sur le streaming vidéo funradio.fr, vous allez voir un gars qui est enterré, donc entier, le corps entier, et juste la tête qui sort et il n'y a rien. Il y a un vide interstellaire sur cette plage. Et le gars est là. Est-ce qu'on peut lui parler? Est-ce qu'il a un micro pour que je puisse lui parler, Pierre, ou pas? Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut passer le micro à Pierre? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Pierre. Ça va, Pierrot? Ça va, nickel. J'ai l'impression d'être... On m'a offert une thalasso, là. Ouais, très bien. Et c'est vraiment très cool. Alors, tu sais quoi? Pour nous, le jeu, vraiment, c'est que tu restes dedans jusqu'à 9h15. Merci Bruno, merci beaucoup. On va faire des points sable jusqu'à 9h15 avec toi, d'accord? C'est d'une tristesse incroyable. Ouais, et je t'annonce qu'à peu près 60 mètres de toi, il y a une dameuse qui passe sur le sable. Voilà, hein. Et donc, on lancera une alerte dameuse à n'importe quel moment. Et je peux te dire que tu peux lancer un régime, mec, qui va battre Slim Fast. Parce que se faire rouler dessus par une dameuse, tu vas sortir, mec, on te verra plus de profil. Merci beaucoup. De merci rien, la famille. De rien, Pierre. On t'embrasse. Bon. J'adore le concept. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de me vendre une nouvelle rubrique, la team du JP. Mais ils essayent, ouais. On a tenté. Ouais, on tente. Ils sont arrivés hier soir. Et tu sais, j'ai dit oui hier soir sur le coup de la faiblesse. T'étais bourré. Non, on n'a pas beaucoup bu. Non, on a dit voilà vendredi soir, oui, mais hier soir on a bu 2-3 verres, mais c'est gentil. C'est pour faire un bon mot. Mais du coup, Karina est venue en mode voilà, Bruno, écoute, on a un truc, c'est vraiment génial, on l'a bossé avec Mika, vous allez voir, vous allez être mort de rire, et je ne l'ai pas vérifié. Mais je connais leur tête. Voilà, je la connais. Karina, elle est arrivée en décolleté, tu vois, en mode, elle a essayé de faire passer ses arguments physiques pour le truc. Et c'est passé. Donc, c'est bizarrement passé. Ça tient à rien. Est-ce que vous avez un petit jingle en plus ou pas? Bien sûr, c'est produit. Ouais, bien sûr. Bruno. Les 10 choses à ne surtout pas faire. À ne surtout pas faire. Donc ça, si vous aimez hashtag Bruno et Ibiza, ça veut dire que ça pourrait revenir l'année prochaine. Peut-être. Puisque si vous ne le savez pas, nous revenons l'année prochaine sur Fun Radio, je vous le dis. Bah oui. Comment ça? Bon. Tous. Ah mais moi j'avais prévu des trucs. Moi j'avais prévu ma carrière d'après. Je voulais être boulanger, faire des chouquettes. Et là tu me mais annonce des choses aussi par genre ton équipe. Bon, donc alors ça, si ça marche aujourd'hui, si vous aimez, ça revient à la rentrée. Bah oui, allez. Si tu le veux. Vous allez tester tous les nouveaux trucs à l'antenne pendant 2 jours pour voir si on le met à la rentrée à l'antenne. Voilà. Exactement. Et ben vont être sympa ces émissions avec ça. Vous savez que c'est retransmis dans toute la France. C'est pas un studio privé où on entend que nous. Hein. Ah. Bruno, moi j'ai un spectacle de magie pour la rentrée. Je laisse tomber, laisse tomber. Même si le décolleté te va très bien, laisse tomber, ça passera pas. D'accord. Bon, alors les 10 choses à ne pas faire, mais à ne pas faire dans quelques circonstances. Hein. Et quand on drague une fille à Ibiza. D'accord, ok. Bon, on vous écoute, les amis, c'est parti. Et il ne faut pas mettre de GHB dans son verre parce qu'un verre à Ibiza coûte déjà 25€ et qu'avec le prix du GHB, concrètement, vous ne rentrerez jamais dans vos frais. Ne pas lui dire que son maillot de bain lui a fait ressembler à un filet mignon, sauf si c'est une candidate de Top Chef. Il ne faut pas dire que sa meuf fait la sieste et que du coup, on n'a pas beaucoup de temps parce que globalement, un rapport sexuel à Ibiza ne dure pas plus de 2 minutes. Ne surtout pas lui dire qu'on a une MST, parce que ramener un souvenir de vacances, c'est toujours sympa. Et oui, ne pas lui dire qu'au départ, on voulait se taper sa pote, parce que c'est souvent les moches, ceux qui sont des meilleurs coups au lit. Il ne faut pas draguer 2 fois la même fille, sauf si c'est des jumelles. Il ne faut pas non plus se faire passer pour David Guetta, parce que David Guetta est déjà en train de mixer. C'est tout con, hein, mais c'est de la logique. Ne jamais enregistrer son numéro à Tepu Ibiza, parce que plus personne ne parle verlan. Ne pas manger une choucroute, parce que tout le monde le sait. Péter en boîte, ça se sent. Et puis, globalement, une choucroute à Ibiza, c'est pas courant. Hein. Et enfin, le plus important, il ne faut absolument pas oublier de lui demander son âge. Sauf si tu t'appelles Jean-Luc Lahaye. Bravo. Merci. Hey, vous savez quoi? Regardez, je vais avoir la réaction en direct du patron de Fun Radio qui est avec nous. Lucas, tu me dis, imagine t'es dans la Nouvelle Star, tu mets un rouge ou un vert. Mais tout de suite, tu me le dis. Je mets un orange. Il est chiant. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Moi, les amis. Merci. Non, et franchement, merci à Lulu. C'est pas mal. Peut-être qu'au lieu de ça s'appeler les 10 choses à ne pas faire, peut-être qu'on pourrait lancer les 1 chose à ne pas faire. Ou les 0 choses à ne pas faire. Non, mais une. Il y a une vanne, franchement, qui était pas mal. Bon, voilà. Fun Radio en direct d'Ibiza. Hashtag Bruno et Ibiza sur les réseaux sociaux. Je vais payer de la facture là dans 3 minutes après. Mike Posner. Mais j'allais le dire. Et après l'avion qui passe. Je sais faire de la radio, tu me laisses faire mon délire ou quoi? Tu t'es cru où toi? Excusez-moi, non mais je voulais pas vous piquer votre place. Bah s'il te plaît, fais attention. Maintenant on parle sur le chanteur, c'est ridicule. Pardon. Ça fait chier tout le monde. Je vais au coin. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad souls, darling. All I know are sad souls, sad souls. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, darling. All I know are sad souls du bon réveil, 8h15, hashtag Bruno et Ibiza, on est là en direct, merci pour tous vos messages, là vraiment le but c'est de vous faire partager ce moment avec vous à travers toute la France. Il y a plein de gens qui envoient des photos avec des captures d'écran, genre ils sont dans leur cuisine en train de prendre le petit déj, ils envoient la tablette avec le soleil d'Ibiza, ils disent voilà merci les amis, j'en ai au moins un peu grâce à vous, et ben on est là pour vous ce matin, et beaucoup de messages, ouais. Bizarrement, en réaction à la nouvelle rubrique lancée par Karina et Mika du JPI, alors, les 10 choses à ne pas faire. Alors, beaucoup de réactions positives. On a Manon qui dit moi je mets un vert. On a Jean-Philippe qui dit génial les 10 choses à ne pas faire, vivement la rentrée, bisous la famille. Il y a Kaz Oseran qui dit j'en peux plus de rire, c'est n'importe quoi, laissez-moi respirer. Jürgen qui dit les 10 choses à ne pas faire, c'est super, j'adore l'idée. Julien qui dit c'est vraiment de la bombe. Amélie qui dit vous êtes dur, c'était vraiment pas mal. Non, que des messages. message positif. Moi j'ai aussi les 10 choses à ne pas faire. Ça devrait revenir 3-4 fois dans l'émission tellement c'est génial. C'est envoyé par Mika. J'ai aussi les 10 choses à ne pas faire. C'est génial. Mettez-les peut-être toutes les 3 minutes. C'est 10 foules de Skyrock qui nous envoie ça. Et j'en ai un de. C'est très gentil, 10 foules, mais j'ai l'impression que c'est. Il faut que j'étudie ce message. J'en ai un d'un certain Bruno Guillon qui dit c'est quand même moi le patron. Ça reviendra jamais cette merde. Merci les copains. Non, et après, il y a ceux qui sont dans la vraie étude. Il y a GodGod31 là sur Twitter, hashtag Bruno et Dibissa, qui dit bon, arrête de travailler, c'était pas mal. Ah, c'est un prof, ça, c'est pas mal. Mais tu sais, le gars est en mode pro. Moi, j'aime bien. Vous continuez, hashtag Bruno et Ibiza. On va jouer tout à l'heure, 8h30, il y a un overboard à vous offrir, d'accord? Overboard dans un premier temps, et demain vous aurez la possibilité de gagner, puisque c'est à l'occasion de la sortie du film Star Trek Sans Limite avec Fun Radio, l'avant-première du film à Londres. Vous allez partir avec la personne de votre choix, vous allez assister à l'avant-première avec toute l'équipe du film, plus un séjour VIP à Londres. Ça vaut 3 000 euros quand même. Wow. Le truc. Ouais, on est sur du très très beau cadeau. Est-ce qu'on peut faire un petit point défi, puisque au moment où je vous parle, nous avons Pierre Crête, le producteur de l'émission, qui est enterré sur la plage. Pierre, est-ce que tu m'entends ? Oui, est-ce que vous m'entendez, Connect G ? Alors, très bien. Alors, on se dit que pour que la vanne fonctionne, moi, je suis assez d'accord. Et alors, on n'aura plus de son, d'accord ? Mais je suis assez d'accord pour que tous ceux qui sont autour de toi, là, maintenant, remontent ici au studio. Ah non, les chiens ! Ah ouais, carrément. Et qu'on laisse juste la caméra posée à côté de toi. Et qu'on te laisse seul sur la plage jusqu'à 9h15. Parce que là, les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose. S'il n'y a que toi, une caméra, moi, ça me fait rire. Mais Bruno, imagine, imagine qu'une personne fasse son jogging tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Elle va courir, elle va avoir une tête dans le sable, elle va trop flipper. Vu la tête de Pierre Crête. Surtout, j'ai l'impression d'être un caca enterré dans une litière géante. Alors, tu vas tous me le faire. D'ailleurs, je salue cette mère de famille qui a envoyé un tweet avec le hashtag Bruno à Ibiza en disant « Mon fils vient me demander ce que c'était un sgeg. » Hashtag gênant. Merci Pierre, en tout cas. On peut pas lui balancer des trucs de la terrasse, genre des bombes. Ouais, genre une enclume, une chaise, quelque chose. Ah ouais. Pierre, à tout à l'heure, mon pote. À l'heure. Ouais. Et on fera un point solitude avec question toute con, mais la marée, elle monte pas ici. Non, il n'y a pas de marée, c'est la Méditerranée. Donc, okay, il y a pêché des moules aussi, pas aussi. Il y a un peu. Bah, on verra si on entend. Est-ce que vraiment vous voulez qu'on rentre dans cette discussion entre solstice d'hiver, d'été et la montée des océans ou pas ? L'influence de la lune sur les marées, ça vous intéresse ? C'est une façon pour nous de souhaiter bon courage à ceux qui passent le brevet aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup du bac, etc. Mais il y a également des épreuves de brevet. Bon courage. On pense à vous, les amis. Le brevet, c'est cette magnifique épreuve. Si vous n'avez que ça, vous pourrez, je vous le rappelle, trouver un boulot genre policier municipal. Arrête, c'est pas sympa. Je blague. C'est pour ceux qui ratent le brevet, les policiers. Allez, on paye de la facture. Money. Bruno, allô ? Paye vos factures. C'était une blague. Bien sûr, on vous aime. Policiers municipaux en plus, donc c'était une blague. On vous embrasse. Je paye de la facture, oui. Je fais ça tous les matins. Et alors c'est pas parce qu'on a Ibiza qu'on va arrêter de se faire plaisir. Si vous voulez que votre facture soit payée, il suffit de me la faire parvenir. Et puisqu'on est à Ibiza, vous avez deux moyens pour les envoyer vos factures. Soit vous le faites par mail, vous la scannez, vous l'envoyez à facture@funradio.fr, ou bien vous la déposez sur le site brunopayevosfactures.fr. Et si on vous rappelle en direct le matin, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. Et ce matin les amis, on part du côté de Belleville. C'est joli là-bas. Ouais, c'est dans le 6-9. C'est près de Lyon. Et au moment où je vous parle, la question que je me pose, moi, animateur à Ibiza, à plusieurs centaines de kilomètres de Paris, c'est est-ce que le standardiste qui, en ce moment, est à Paris, est en train d'appeler cette personne pour que nous l'ayons en direct, ou alors elle discute manucure avec le réalisateur de l'émission à Paris en disant « Regarde, je me suis fait une French, je trouve ça extraordinaire. » Mais t'as fait du nail art, c'est quoi ? Ouais, parce qu'en fait, il te recule à la cuticule, comme ça, t'as plus long d'ongle et tu peux mettre un petit piercing. Regarde comme c'est magnifique. C'est génial. Ils ont pas besoin de nous, là, à Ibiza, tu crois, pendant qu'on discute. Écoute, je sais pas, baisse le son, parce que là, ils sont en train de parler, ça m'agace ce qu'ils disent à la radio. J'ai l'impression qu'ils nous imitent, non ? On dirait qu'ils nous imitent en train de parler de notre manicure. Comment ils savent qu'on parle de ça ? Bon, les amis, est-ce qu'on va appeler, on va appeler Paul à Belleville ou pas ? Ou alors on dit que de facto, il a gagné. Fonf, réalisateur de cette émission, est-ce que tu peux me dire un mot ? J'ai connecté avec Paris et puis ils savent pas trop ce qui se passe. Hein. J'ai l'impression d'être sur une retransmission du Tour de France pour France 2. Et... Ici. Ah, c'est bien parce que Attends, je te montre ensuite mes nattes. Ouais. Et là, pour l'instant, il faut que je passe à coup de téléphone. Ils font chier, les connards, ils disent ça. Bizarre, ils nous amènent. Nous, on est obligés de rester ici. Allô, Paul. Ouais, salut. Paul, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bruno dans la radio. Wow, wow, yes, yeah. Putain. Paul à Belleville. Paul, ouais. Tu as quel âge, tu fais quoi dans la vie? J'ai 25 ans, je suis électricien dans le traitement de l'eau. D'accord. Je peux t'avouer un truc, Paul? On a mis du temps à t'avoir, il y avait un problème de standard et je sais pas si ça vous le fait des fois. Mon iPhone s'est mis en route sans que je le demande et il y a Siri qui s'est mis en route. Ouais. Ah oui, parce qu'il capte un mot en fait. Voilà, et donc je vous dis ce qu'a compris Siri de ce que j'étais en train de dire. Passe un coup de téléphone, il faut chier connard obligé de rester en haut-parleur. D'accord, ok. C'est-à-dire que moi j'embauche Siri comme auteur l'année prochaine en vanne. Bon, Paul, tu m'as envoyé une facture de 735,29 €. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'est un billet d'avion, donc pour partir en road trip avec ma copine pendant 2 mois, donc en Asie. Vous partez en Asie? Le Vietnam, le Cambodge, et on termine par la Thaïlande. On fait le retour depuis la Thaïlande. C'est très beau, Thaïlande, très beau. C'est super les road trip. C'est bon. Vous allez voir la muraille de Chine. Bien sûr, vous allez monter à dos d'éléphant. Bien sûr. Balader dans la Chine. Vous allez manger des bobos. Ouais, bien sûr. Et vous allez voir des hommes avec des sapots chinois qui marchent la tête à l'envers. Ouais, sapots pointus, bien sûr. Bien sûr. Le sang monte à la tête parce que ça me bat de la terre. Bien sûr. Bon, désolé parce que nous, on vous voit en 16 neuvième, alors c'est un peu compliqué, mais on vous aime. Bien sûr. Et quand ils sont pas contents, ils se couvrent l'estomac, ils s'ouvrent l'estomac avec un couteau. Ok, on a été assez racistes. Ouais, ouais, c'est bon. C'était le moment cliché du jour. Mais est-ce que du coup on peut pas faire l'accent? D'accord. Bon. 735,29 €. Ah, et ben regarde, mec, l'avion part. Ouais, avec la voiture. On a pas le temps. Ça va tellement rapide que l'avion est déjà en train de partir. On t'envoie le chèque vite, on t'embrasse, Paul. Super, je vous remercie beaucoup la famille, bisous. Belle journée. Bisous. On va se retrouver dans quelques secondes sur Fun Radio. Vous allez écouter les extraits de l'interview de Steve Aoki qu'on a fait hier, d'accord. Et puis rapidement, un point plage où Pierre est enterré. On vient de me signaler que la dameuse vient de passer. Mais non. Alors, je regarde si Pierre est encore là. A pu la personne. Pierre, tu m'entends? Oui, elle est passée à mes pieds. Mais elle n'a pas roulé dessus. Non, ça va. Mais du coup, j'ai une manucure au top. Merci. Pierre enterré, donc. Le pauvre, il y a juste la tête qui dépasse. Oui, bah oui, parce que sinon, il décédait, comprends-tu? Et c'est pas le but non plus. Mais non, j'ai écouté Fun, ils ont tué quelqu'un. Qu'est-ce qu'on s'est marré? Fun Radio, le son dance floor d'ici Ibiza, dans le monde entier. Montez le son, c'est Imani, tout de suite. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. You feel my heat on your skin. Take off your clothes, blow up the father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask. 7h26, bon réveil, bienvenue sur Fun Radio. Yeah. Fun. Jusqu'à 9h. Bruno. This is Bruno. I love this station. Yeah. C'est un des plus grands DJ du monde. Steve Aoki est passé nous voir hier dans le studio de Fun Radio, le mec le plus frais de la Terre. Il a été gentil de ouf. On lui a posé quelques questions. Parce qu'il faut savoir que les shows de Steve Aoki, il mixe en ce moment à l'Ushuaïa Ibiza. Il a des trucs de dingue. Donc, par exemple, un bateau gonflable où il se jette dans le public avec un bateau gonflable. Mais il tente toujours des trucs de ouf. C'est vraiment, ces vidéos, si vous avez l'occasion, si vous en avez jamais vu, allez voir, c'est partout sur YouTube, c'est énorme. Et on lui a demandé d'où venait ce genre d'idée, d'où, par exemple, les bateaux gonflables. Brought the raft out at my shows in 2009 at Coachella. In 2011, I introduced the cake. Yeah. But in between those things, I was trying different things. Like I tried water guns, and that was no good. Because people don't like a spray into your in face. The ice. They're like, no. Okay. All right, take that away. You know, you try different things. And then some things work, some things don't work. Voilà, il dit qu'il essaye plein de choses, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Le coup des bateaux, il l'a fait en 2009 à Coachella, ça a marché. Ouais. Ensuite, il a tenté le truc avec les gâteaux, qui est devenu un truc énorme. On va vous mettre c'est les vidéos truc, sur truc. YouTube. Et puis, il avait essayé aussi les pistolets, les pistolets à eau. Mais ça marchait pas parce que les gens le prenaient dans les yeux. Ils en voulaient pas. Et du coup, ça marchait pas. On lui a demandé aussi hier soir, parce qu'on disait que les gens étaient en transe devant ces shows, que c'était tellement extraordinaire, qu'il y avait plein d'expériences à vivre. Est-ce que lui avait déjà vécu ce genre d'expérience avec d'autres artistes, et voilà ce qu'il a répondu. You know, there's like the predecessors, like the legends, and they happen to be French. My favorite DJs, I don't know if you can call them DJs, I would call them aliens, but from a different planet, is Daft Punk. Yeah. And in 2007, when they came out with their live show, it was, I think, one of the first, at least for me, the first time I could see an electronic artist that had a stage production that was more moving than the biggest rock bands. Il a dit que c'était les producteurs, les Daft Punk. D'ailleurs, il sait même pas s'il doit dire que c'est les producteurs des DJ ou des aliens. Et que le premier show qu'il a vu d'eux en 2007, ça lui a filé une claque énorme, un peu comme des vrais rockstars. Et enfin, on lui a demandé un message pour les fans français. Bien sûr. Bah, bien sûr. Well, I have a lot of amazing French fans, and whenever I come to France and I see the kids going crazy to my songs and all the support, it means a lot to me, and I'm proud of all the French fans I have been supporting me for so long. Thank you so much, merci for all your support. I love you guys. Ouais, il dit qu'il aime les fans français, qu'ils le soutiennent depuis très très longtemps, et que voilà, quand il voit les gamins qui se défoncent sur sa musique, qui s'éclatent sur sa musique, ça lui fait chaud au cœur. Oui, bien sûr, je me suis rattrapé. Vous restez sur Fun Radio. 3228, vous nous appelez, on va jouer dans quelques secondes au jeu des 30 secondes depuis Ibiza, et puis il y aura Bailar et 10 euros sur Fun Radio juste après les news. Ibiza ! Très bien, parfait. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Chou ! Qui veut des choux ? Chou ! Mais ça, c'était avant. Chouchou ! Qui veut des chouchous ? Des bons chouchous ! Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Dis, oui. Tu aimes le cinéma? Ah bah oui, bien sûr. Tu vas être content. Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom offre à ses clients Bibox 20 films en VOD. Waouh, 20 films en VOD sur ma Bibox Miami? Oui. Avec les pop-corns? Ah. Non mais je demande, bah tant qu'à faire. Tu es tellement drôle. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous réservons à nos clients Bibox. 20 films de légende offerts en VOD. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron. C'est quoi cet écho? De l'écho. Et comment qu'il va y avoir de l'écho? En ce moment chez Lidl, ils font la bouteille de 70 centilitres de Génépi des Alpes, saveur de nos régions, à 12,99€. Quoi? La bouteille de Génépi des Alpes à moins de 13€ chez Lidl? Oui, et 12,99€, c'est le vrai prix. Et un produit saveur de nos régions, patron. Hein. C'est bon, on est mal. Hein. Très mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 18,56€ le litre, 30 degrés. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. En ce moment, avec les soldes but, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin. Moins 70%. But, c'est nous. Tes oreilles. ce sont les soldes chez Toys R Us. Chérie, il y a un énorme ours dans le salon et un éléphant encore plus énorme dans le jardin. Bah oui, énorme, comme les soldes chez Toys R Us. L'ours de Bladvic Lego Shima à moins 40%, soit 23,99€ seulement. La piscine éléphant à partir de 3 ans est à 14,99€ au lieu de 24,99€. Offre valable du 22 juin au 10 juillet. Voir modalité en magasin et sur toysrus.fr. Hashtag Bruno et Ibiza, les amis, on est en direct ici et sur funradio.fr, le live vidéo. Vous voyez tout ce qui se passe ici en direct d'Ibiza. On vous amène un peu de soleil, puis on vous amène des cadeaux. Là, il y a un overboard à gagner au 32-28. C'est le jeu des 30 secondes juste après les news. Fun Radio. Le son. Dance. Fun. Les infos de ce jeudi 23 juin, tout de suite avec Justine Salmon, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bienvenue, on y va pour un petit point météo. Et c'est du soleil là pour les trois quarts du pays, en revanche ce sera pluvieux et orageux des Pays de la Loire au Nord-Pas-de-Calais en passant par la Normandie, la Picardie et l'Île-de-France. D'ailleurs 14 départements sont en vigilance orange, attention. Il fait très doux, de 13 à 20 degrés ce matin, cet après-midi on attend 25 à Rennes, 27 degrés à Bayonne, 31 à Paris, jusqu'à 35 degrés à Lyon et demain le temps sera plutôt mitigé. Ça y est, nous connaissons l'adversaire de l'équipe de France pour les huitièmes de finale de l'Euro. Nos Bleus seront face à l'Irlande dimanche à 15h et pourraient retrouver l'Angleterre en quart de finale s'ils battent les Irlandais. On aura aussi à suivre en huitièmes de finale un Angleterre-Islande, un Hongrie-Belgique ou encore un Croatie-Portugal. Pas de match en tout cas aujourd'hui et demain, reprise des festivités samedi. Nouvel épisode concernant la manifestation contre la loi travail. Dans un premier temps interdite, elle est finalement autorisée avec un parcours proposé par le ministre de l'Intérieur. Un parcours d'à peine 2 km au départ de Bastille à Paris. Des manifestations auront également lieu dans toute la France. Un étudiant a découvert un bug dans l'appli SNCF et en a profité pour voyager gratuitement. Concrètement, il achetait son billet, se faisait contrôler et pouvait ensuite se faire rembourser via l'application. Par souci d'honnêteté, ce jeune homme a prévenu la SNCF. Sa récompense, un colis de remerciement avec des goodies relativement symboliques. L'avion Solar Impulse a atterri ce matin à Séville en Espagne. L'avion qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire a réussi sa traversée de l'océan Atlantique sans arrêt en près de 4 jours. L'appareil s'est posé sous les applaudissements. Si vous êtes du côté de Marseille ce soir, rendez-vous sur la plage Borély pour une soirée Party Fun Live avec sur scène Tini Tampa, Bob Sinclair et Bigali, Jonas Blue ou encore Benny Benassi. La soirée est à vivre en direct sur Fun Radio à partir de 19h30. Bon réveil à tous. Ibiza, la fête, la plage, la piscine, le soleil, les boîtes de nuit bondées, les jolies filles et Bruno en tongs. Oh dégueulasse. Toute l'équipe de Bruno dans la radio est en direct d'Ibiza jusqu'à 9h sur Fun Radio. Jeudi, c'est le 23 juin, en direct depuis Ibiza dans toute la France. Merci pour tous vos messages là qui arrivent sur Twitter, sur Facebook. On vous envoie un peu de soleil. Je tiens à dire que c'est Bruno à Ibiza, le hashtag. Mais on va avoir Fun Radio à Ibiza parce que pour la première fois, l'année dernière, on était parti avec que l'équipe de Bruno dans la radio. Et je vous cache pas que quand on est revenu à Paris... Oh, il y a eu des jalousies. Ah ouais. Et que j'ai regardé, ne serait-ce que quelques secondes, le regard d'Anso, le regard de Karel, le regard de JB, les animateurs de Fun Radio que vous entendez tous les jours, le regard d'Adrien Thomas, de Mikosé, qui m'ont demandé gentiment, alors, c'était bien Ibiza? Avec cette volonté qui oscillait entre me faire la bise et me foutre leur main dans ma gueule. Eh bien, nous nous sommes dit... Qu'à cela ne tienne, l'année prochaine, nous partirons. Mais nous partirons tous ensemble. Bien sûr. Mais ça a été difficile, parce qu'un avion s'est limité en place. Anso était en soute. Alors justement, je crois que pendant qu'on est en train de parler, toute l'équipe, donc il faut savoir qu'il y a 80 personnes quand même qui vont débarquer à Ibiza, parce que c'est tout Fun Radio qui vient. Ah ouais, c'est vraiment énorme. Et ça part du comptable, tout le monde est même là. Même les stagiaires viennent. Enfin le comptable, on l'a attaché, on l'a mis dans un bagage, pour pas qu'il nous fassiez. Et je crois qu'ils sont à l'aéroport en train de nous écouter. J'ai qui au téléphone là? Allô? Ok. Allô, c'est qui? Comment ça va? Salut mon JB, ça va? Écoute, on est en direct de l'aéroport, il y a toute l'équipe de Fun Radio, on prend l'avion, on atterrit à 11h30 à Ibiza et puis on arrive. Écoute, de toute façon, là, ils ont commandé pour toi expressément un gros stock de préservatifs, JB. Et il y a des femmes qui sont venues... Est-ce que les auditrices que vous avez sélectionnées sont bien? Mais les auditrices sont forcément bien. Elles écoutent Fun Radio. Donc à partir du moment où tu écoutes Fun Radio redonne la vue. Fun Radio rend beau. Fun Radio fait maigrir. Et alors, puis elles t'entendent, hein, Johnny la classe. Je préfère quand même justement prévenir nos auditrices. Alors JB est beau gosse, mais JB drague tout ce qui bouge. Un chauduc. Même vous, auditeurs, les garçons, vous n'êtes pas à l'abri qu'il vous drague. Et même si ça bouge pas, des fois il y va. C'est-à-dire que c'est pour ça que Pierre Crête, notre producteur qui est enterré dans le sable, on va l'enlever avant qu'il arrive, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et qui est célibataire ici? JB. Très bien. JB, mon poteau, on t'embrasse. Oui. Tu fais des bisous à Karel, à Anso. T'embrasse Marion aussi du Night Show. C'est son anniversaire aujourd'hui. On vous attend tous cet après-midi. On va fêter son anniversaire cet après-midi dans le 16h-20h en direct d'Ibiza. Eh bah, ben très bien. Rendez-vous tout à l'heure, mon pote. Et toute la journée. Et vive la famille Fun Radio. Et ben bah, bisous. Bisous à tout à l'heure. Voilà, ça va être fort. Bon, allez, on joue, les amis. Le jeu des 30 secondes. Tic-tac, tic-tac, Fun Radio. Le jeu des 30 secondes. Jeu des 30 secondes pour jouer avec nous ce matin depuis Gap dans les Hautes-Alpes. Il a 30 ans, il est chauffeur-livreur. Applaudissements pour Ludo. Bonjour Ludo, bienvenue à Ibiza mon Ludo. Ludo, ce matin tu vas jouer face à Morgane. Elle a 24 ans, elle habite au Mans, elle est vendeuse en boulangerie. Applaudissements pour Morgane. Yes. Salut Ibiza, salut Bruno, salut la famille. Salut. Bonjour Morgane. Morgane, Ludo, vous jouez pour gagner un overboard dans un premier temps et vous pourrez repartir ce matin également peut-être avec un séjour à Londres pour assister à l'avant-première du film Star Trek Sans Limite. Nous sommes d'accord ? Les règles du jeu des 30 secondes, elles sont simples ces règles. Vous avez 30 secondes pour tenter de découvrir un maximum de mots grâce à un des animateurs de l'équipe. Et justement, la question que je vous pose maintenant, c'est avec qui de l'équipe voulez-vous jouer ? Ludo, je t'écoute. Supporter de l'OM oblige, je vais te prendre Bruno. Ah, l'OM prendre, en force, bien sûr. Ludo, je joue avec toi. Morgane, avec qui veux-tu jouer? Le Girl Power, je vais prendre Christina. Je suis en pleine forme en plus. Ça, je me mets debout, moi. Ça y est, vous m'avez chauffé. Là, je suis. Qui a gagné hier le jeu? Personne, c'est égalité. Christina, Karina. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, qui commence? Eliott, décide qui commence. Bruno, ça va être toi. Tu es debout, tu es chaud, tu vas gagner. Ludo, je découvre la liste de mots au dernier moment. Dès que j'ai la liste, on lance le chrono, d'accord? Yes. T'es prêt, mon pote? Prêt, fin prêt. Top chrono, c'est parti. Où on se trouve actuellement? Ibiza. Ouais. Pour faire un barbecue, on met du. Le du petit bois. Non, le charbon de bois. Ouais, très bien, un charbon. Un des plus grands DJ français, c'est. David Guetta. Ouais, très bien. C'est du vinaigre, mais c'est une sorte de vinaigre. Du vinaigre qui est un peu sucré. Vinaigre un peu sucré. Oh non. Vinaigre. Et c'est. Mais continue, merde. C'est un vinaigre noir, c'est acide. C'est non, mais ça va, mec, je suis pas top chef. Vinaigre balsamique. Mais bien sûr, c'est le seul qui est connu dans les vinaigres. Même. Ludo, ben non, il y a le vinaigre de Xérès, il y a le vinaigre de Chalotte. Bon, ça fait combien de points? 3 points. 3 points pour toi, Ludo. Morgane, il faut que tu fasses mieux que 3. Allez, avec Christina, d'accord? Ok. Est-ce que t'es prêt de crier? Yes. Top chrono, c'est parti. Ok. Quand tu vas sortir, tu vas en boîte, on peut appeler ça aussi, hein? Une discothèque, c'est aussi, hein? Une discothèque. Ouais, discothèque, boîte, un autre mot pour désigner ce lieu. Un pub Ouais, exactement. Non. Ok, ça y ressemble. Ça y ressemble, ça termine pareil. Un club. Oui. Un club. Oui. Dans Star Wars, le héros, il s'appelle comment? Le fils de Dark Vador. Ah, si tu connais pas, c'est perdu. Hein. Je peux pas t'aider là. Mais si. Attendez, il y a Dark Vador qui est en train de passer. Ah oui, pardon. Voilà. Luke Skywalker. Perdu. C'était Luke Skywalker. Ça, c'est, si t'as jamais vu Star Wars, forcément, bah oui, ça aide c'est pas. Mort. Ma pauvre Morgane. Désolé. Hein. Ça arrive, ma chérie. Non, bah, c'est pas grave. Ludo, c'est gagné. Ah yes, je me bois une bouteille de balsamique. Tu gagnes ton overboard, d'accord, ça c'est acté. Et demain, eh ben, on va te rappeler parce que demain on fera le tirage au sort pour vous offrir des places pour la avant-première du film Star Trek Sans Limite. Ça va se dérouler à Londres. au Leicester Square de Londres avec tous les protagonistes du film, les acteurs, et on va t'offrir en plus de ça balade à Londres et tout en VIP, d'accord? Génial. On t'embrasse mon Ludo, à demain. Allez, profitez bien, éclatez-vous bien. Merci mon chou. On est venu ici pour travailler, je vous rappelle. Attention s'il vous plaît. Salut, c'est David Guetta. Et ben bonjour David Guetta. Dans quelques secondes, this one's for you, David Guetta, Zara Larsson. Et alors, je refais tourner la roue du défi dans 5 minutes. On a un défi de ouf et là, il va falloir que l'équipe se mette en maillot de bain. Oh non. Mais on va pas aller dans la mer. Ok. Ni à la piscine. Voilà. Il y a une bâche qui a été étendue ici sur le rooftop de l'hôtel où nous nous trouvons. Avec de l'eau, du liquide vaisselle, on va tenter un record de lancer pour savoir qui va le plus loin en se lançant sur la bâche. C'était pour ça les bâches. Exactement. Ouais. Je croyais que c'était au cas où si on faisait une connerie le soir. L'équipe de tueurs en série. Hashtag Bruno et Ibiza, on revient en direct sur Fun. Vous envoie au plus grand festival. Tomorrowland. Salut, c'est David Guetta. Hey, this is Dimitri Vegas, Sunlight Mike. Rendez-vous. See you at Tomorrowland. Dès que vous entendez Dimitri Vegas, Like Mike, mixé avec David Guetta. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez pour 3 jours de fête à Tomorrowland. Des DJ et des meilleurs festivals. This is Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. C'est parti. Les soldes Chic et Sport démarrent sur Zalando. 1. Les baskets. 2. La petite veste. Et 3. La mini-jupe plissée. Ça démarre très fort. Rendez-vous dès maintenant sur Zalando pour profiter d'un choix incroyable d'articles avec des réductions jusqu'à moins 60%. Non, Iron Man et Captain America restent à la maison. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà tous les My Little Pony dans le coffre. Pour deux jouets My Little Pony ou deux figurines 30 cm Avengers achetées, le troisième est offert. Offre valable du 22 juin au 10 juillet sur la gamme My Little Pony et sur les figurines 30 cm Avengers de chez Hasbro. Toys R Us garantit le meilleur prix et rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Même sur Internet, voire modalité en magasin ou sur toysrus.fr. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. c'est Bruno dans la radio. Jeudi, c'est le 23 juin, c'est Fun Radio, 8h47. Petit point sur un des défis qu'on a lancé tout à l'heure. Ah, je l'avais oublié. Bah, moi aussi. Il y est toujours, Bruno? Non, attends, alors, je crois... non, mais attends, il est tout seul. Je crois qu'il vient de sortir de son antre. Ah, il vient de sortir. Depuis une heure, nous avions le producteur de l'émission, Pierre, qui était enterré dans le sable et qui a été à deux doigts de se faire écraser par une dameuse. Pour que le sable d'Ibiza soit nickel, il passe une dameuse qui ramasse, tu vois, des bouteilles vides, etc. Et donc il était sur le sable, je crois qu'il est sorti. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a disparu. Ouais. Mais on sait pas où il est. Ce qui est bizarre aussi, c'est les traces de bronzage, parce que du coup il va avoir la tête toute rouge et le corps blanc. Un peu comme Gérard Depardieu, quand il a bu un coup. Vous savez que les gars, il paraît qu'ils sont endormis quand même. Mais non. Mais ah bon, il paraît qu'ils sont endormis, vraiment. Ah, c'est grand. Bon, les amis, puisqu'on parle de la roue des défis, on l'a fait tourner une dernière fois ce matin. Oh là là. La roue des défis spécial Ibiza. On en a eu plusieurs ce matin. Le défi qui va être tenté maintenant, à mon avis, va foirer. Je vous l'annonce. Il n'a pas été testé. Ouais, non, il a été testé. En fait, il faut savoir que c'est Loosman qui a préparé ce défi. Et donc, Loosman, comme son nom l'indique, est un homme de la loose. Et donc, le défi, c'était le jeter sur bâche, d'accord ? Une bâche qui nous permet de glisser puisqu'on a mis dessus de l'eau et du liquide vaisselle. Et le but, c'était celui qui va pouvoir se jeter le plus loin. En fait, tu vas la tourner deux fois. Ça va désigner deux candidats. Et on va faire un concours de celui qui va le plus loin. Exactement. Le problème, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il a étalé la bâche. Moi, j'étais persuadé que ce défi, on allait le faire sur le sable. Voilà, il y en a deux. Ou sur une bâche comme dans les films gonflables. Tu sais, un truc qui te protège. Et moi, au départ, c'est ce que j'avais dit. Voilà, bah oui. Moi, j'avais validé ce truc-là. Voilà. Et je sais pas pourquoi Loosman visiblement n'a pas compris ce qu'on voulait dire. Voilà. Il a acheté des sacs poubelles. Loosman a acheté une bâche de sacs poubelles, hein, c'est ça, hein. C'est totalement la matière pour faire des sacs poubelles. Loosman, pourquoi t'as un caleçon de bain? Je te rappelle que t'es censé être en borat et danser à chaque fois que t'es filmé. Tu ne danses pas et tu as mis un caleçon. Alors, je danse, mais en fait, si tu veux, pour rentrer dans les détails, disons que j'ai explosé une tomate en testant justement cette bâche. Une bouliche, quoi. On est sur une bouliche compressée. Maintenant, il n'y a qu'une seule qui fonctionne. Ah, on est sur une purée de bouliche. On est sur une bonne purée. D'accord, très bien. Et donc, alors, il a mis une bâche donc noire, ok, une bâche d'agriculteur, celle que tu mets, tu sais, sur la paille pour la protéger de la pluie. Voilà. Mais à même le sol en béton. Aïe. Ouais, voilà. C'est du carrelage bien dur. Donc, la roue du défi peut se solder par une fracture. Un petit avion qui passe, puisque je lis, nous sommes sur un rooftop et juste à côté, il y a l'aéroport, il passe toutes les 20 minutes. Voilà, c'est. Voilà, c'est la pose avion. Magnifique bruitage. Je vais profiter de ce moment pour lancer pour la dernière fois de la matinée la roue des défis, qui est une roue électronique, comme vous pouvez le voir sur funradio.fr, avec tous les noms de l'équipe. Journaliste compris, et on a d'ailleurs rajouté le nom également de Sébastien, Lucas, Joseph, Maxime, Jean-Louis, Esteban, Polo, qui est le patron de Fun Radio. Il est où d'ailleurs, Lucas? Il est là-bas, il est au téléphone. Il me fait de quoi? Vous parlez de moi? Oui, on parle de toi. Si, on parle de toi. C'est la pète. Il est en train de parler avec David Guetta, je pense, ou Martin Solveig, ou un plan Grindr. Enfin, il est au téléphone. Bon, les amis, on lance la roue. On va voir sur qui ça tombe. Tu vas la tourner deux fois. Hein. Ouais, alors, le premier de l'équipe qui va donc se mettre en maillot de bain pour pouvoir faire le défi. Oh la tanasse. Oh merde, putain, c'est pas. C'est vrai brutal. On n'a pas de chance. Hein. Alors moi, je pense aux auditeurs qui est en train de prier, en train de se dire est-ce que ça pourrait être Justine Salmon de l'info? Et bah, ça a été à deux doigts de s'arrêter sur toi. C'est qui? Oh non. C'est Rémi, notre producteur. Ouais, oui. Et Rémi, je peux vous dire, on fantasmait tous de le voir en maillot de bain. Grave. Rémi, il est roux. Et blanc comme un cul. Vous savez, on a des quotas dans l'émission, voilà. Et donc, c'est notre quota roux, Rémi. On va aller le chercher. Et lui, il met de la protection 130. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que lui, c'est de la peinture qui se met sur le corps. Il est rose, en fait. Mais c'est ça. Donc, il y aura Rémi et il y aura quelqu'un d'autre de l'équipe. Je relance la roue. Justine. Ouais, bah non, hein. Allez, Justine. Allez, Bruno, dis-moi que c'est Justine. Les amis, non, jure. Quand on veut pas, ça veut pas. Hein. Non, c'est très bien. C'est Rémi. Bon, vas-y, toi. Je relance la roue. Ça vous prouve que cette émission est faite en direct. La dernière fois, on a lancé la roue pendant une heure et demie, c'est tombé toujours sur le même gars. Justine. Allez. Alors ? Allez, dis-moi. Oh merde ! C'est une gonzesse au moins. C'est passé à deux doigts de Karina aussi. Ah, c'est qui ? C'est Mika du JP. Ouais, il avait tellement peur que ça tombe sur lui, le pot. Mika et Rémi, vous avez 5 minutes pour vous mettre en maillot de bain et on fait le défi dans 5 minutes en direct sur Fun Radio. Et après, t'enchaîneras avec le JPI. Ouais, c'est un délire. Oh, Mais qui est là? Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio, le son dance floor. Magique? Oh, mais qui est là? Wake up everybody, it's Dara Larson with Bruno on Fun Radio. Oh, mais qui est là? Eh, salut, c'est Jean-Louis, je passais vous dire bonjour. Et ben les trois, là tout de suite, c'est sur Fun. Avec David Guetta, This One's For You, à l'instant sur Fun Radio. Bon réveil la famille, 8h54. On est en direct d'Ibiza, puisqu'on parle de DJ. On va avoir un grand DJ qui va nous rejoindre tout à l'heure et qui, après 9h, va mixer en direct. Les gars. C'est qui? Alors, il parle pas très bien français. Ah mince. Donc je le dis, mais moi je le côtoie, j'ai la chance de le côtoyer assez fréquemment. Et je dis pas ça pour me la péter, mais c'est vrai que j'ai fait plusieurs soirées à ses côtés. Ouais. Donc je vais être à même de traduire, d'accord, ce qu'il va tenter de vous dire. Ouais. Je crois que c'est une des premières fois qu'il va mixer en radio, parce qu'il mixe beaucoup en club. Ouais. Pour tout vous dire, il tourne beaucoup en boîte. Mais on l'entend rarement mixer à la radio, donc ce sera l'occasion ou jamais. Et ce DJ s'appelle Elliot, les amis. Wow. Elliot, oh, Elliot comme Elliot. Hello, thank you, I love to be here today. Il serait repiqué. Voilà. Non, mais mec, te fais pas chier quand je dis on comprend pas ce que tu dis, c'est en français hein, qu'on comprend pas ce que tu racontes. Ouais. Hein. Bon, bah, j'espère que vous serez cool avec moi. D'accord, pas de soucis. ça va être tout à l'heure. On va faire le défi. Il y a Rémi, là, notre producteur qui vient d'arriver, qui vient d'aller se mettre en maillot de bain. Mika, tu fais ton JPI et puis après tu vas être préparé aussi. Oh la cool. Et bah c'est parti, c'est le JPI. Fun. J-P-I. Le JPI sur Fun Radio. Journal pour en image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 8h50 du JPI. Et pour commencer, Doliprane, nous sommes en direct d'Ibiza. People, la chanteuse Lam a posté une photo d'elle sur internet sans maquillage et sans perruque. Notez que si vous regardez cette photo et que votre téléphone fond, vous ne pourrez pas faire jouer la garantie. Toute l'équipe de Bruno dans la radio est donc en direct d'Ibiza. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony? Oui, tout à fait, je vous appelle depuis Venise. Mais qu'est-ce que vous foutez à Venise, Anthony? Bah, il se passe que la direction de Fun Radio a oublié de me prendre un billet. Du coup, j'ai pris un billet low cost, mais le problème, c'est qu'il y a 7 escales. Ah. Paris-Marseille, Marseille-Venise, Venise-Düsseldorf, Düsseldorf-Londres, Londres-Amsterdam, Amsterdam-Marrakech, Marrakech-Barcelone et ensuite Barcelone-Ibiza en bateau. Mais vous arrivez quand? Samedi à 15h. Ouais, enfin, sauf qu'on sera parti, Anthony, mais bon courage quand même. Et pour finir, si vous aimez les clubs de foot et le shampoing, découvrez le Real de Madrid. Hey oh Voilà, c'est la fin du JPI. Demain, nous serons demain. Alors à demain. Mais tout à l'heure, vous avez proposé une nouvelle chronique. Je me disais, peut-être avant d'arriver avec de nouvelles idées, est-ce qu'on pourrait pas creuser un peu pour le JPI? C'est pas con. Tu vois, pour la nouvelle saison l'année prochaine, peut-être. Pour ça que t'es le patron, t'as les meilleures idées. Les amis, Elliot va mixer en live dans quelques secondes. Et top 3 aussi. Et le top 3, mais alors c'est le top 3 de l'année. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est un top 3 basé sur l'équipe. Sur l'équipe, oui, nos conneries, nos petites faux folichades. Merci. Voilà, qui a mélangé. Quand je disais qu'on comprend pas ce qu'il raconte. ça arrive en direct sur Fun Radio et en direct vidéo, la funradio.fr. On revient après les news, à tout de suite. En ce moment, ce sont les soldes Conforama avec des remises jusqu'à moins 70%. Comme le lave-linge Daewoo, 8 kilos à 299,88€ au lieu de 495€, soit 40% de remise. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y! Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions, dates et magasins participants sur conforama.fr. J'ai adoré notre premier rendez-vous, Magali. C'est gentil, Pascal. Moi aussi, j'étais séduite par... L'air discount spécial frais. Je dois filer. Aujourd'hui et demain, le lot de deux melons charentais jaunes origine France est à 1,30€ chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. Calibre 550, 650 grammes, catégorie 1, soit 65 centimes la pièce. Moi, j'ai une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions magasin. Magasin ouvert même le dimanche. Kiabi colore la vie. Les filles, aujourd'hui, vous allez être folles de joie. Oui, les soldes d'été sont chez Kiabi. Jusqu'à moins 70% sur des milliers d'articles. Jusqu'à moins 70% pour relooker toute votre tribu. Les soldes d'été chez Kiabi, même les hommes vont se lâcher. Yes! Offre valable sur articles signalés du 22 juin au 2 août. Date selon décret. Conditions magasin sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Mère de famille et ancienne infirmière, Christine s'est toujours occupée de tout. Elle s'est occupée de la maison et de ses trois enfants. Puis elle a décidé de s'occuper à nouveau de sa carrière. Et grâce au Bon Coin, elle s'occupe désormais de la santé des autres. Le Bon Coin, c'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. Bienvenue et bon réveil, c'est Fun Radio. Nous sommes jeudi aujourd'hui, le 23 juin. On essaye de vous amener du soleil partout en France. Si c'est pas votre cas ce matin, on est en direct d'Ibiza pendant encore une vingtaine de minutes. Le top 3 d'Eliott qui arrive et un mix d'Eliott pendant un bon quart d'heure. C'est un peu la demi-heure d'Eliott là qui arrive sur Fun Radio. Et bah tant pis, allez, à tout de suite. Fun Radio. Le son. Dance. Floor. Le point sur l'actu de ce jeudi, c'est le 23 juin et c'est Alex de Saint-Aignan pour les news. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Il commence à faire très chaud ici à Ibiza. Le soleil se reflète sur la mer, c'est magnifique et le temps est très beau aussi aujourd'hui sur la France, en tout cas sur les trois quarts du pays. Grand soleil, chaleur, sauf dans le nord-ouest où vous aurez de l'orage. Météo France a placé 14 départements en alerte orange. Attention, du nord de la France au pays de la Loire, les températures actuellement entre 13 et 21 degrés. Il fera 26 cet après-midi à La Rochelle, 31 à Paris, 32 à Tarbes, 33 à Besançon, 35 à Clermont-Ferrand. France-Irlande, c'est l'affiche des huitièmes de finale de l'Euro ce dimanche. Les Irlandais se sont qualifiés hier soir aux côtés de la Belgique, le Portugal et l'Islande. Et ça s'annonce plutôt bien pour les Bleus qui sont favoris pour cette rencontre. En revanche, plus compliqué, ils pourraient se retrouver contre l'Angleterre en quart. À noter également hier l'élimination de la Suède et donc la retraite internationale pour Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant du Paris Saint-Germain, a joué son dernier match avec le maillot suédois. 2000 policiers mobilisés pour surveiller le défilé anti-loi travail à Paris. La manifestation a finalement été autorisé hier par la préfecture, mais le parcours a été imposé dans les rues de la capitale. Rassemblement sous haute surveillance pour éviter les dérapages violents. Il y aura d'autres manifestations dans toute la France ce jeudi. En Angleterre, un référendum historique. Aujourd'hui, les Anglais sont appelés à voter pour dire si oui ou non ils veulent rester dans l'Union européenne. C'est un exploit pour l'avion solaire, le Solar Impulse 2. Il s'est posé ce matin à Séville, dans le sud de l'Espagne, après avoir réussi sa première traversée de l'Atlantique depuis New York. Il fonctionne sans carburant, uniquement grâce à des panneaux solaires. Les soldes ont commencé hier et ça démarre plutôt bien. De nombreux clients étaient dans les magasins, notamment grâce au beau temps, mais les commerçants se montrent prudents après une saison particulièrement compliquée. Enfin, le brevet, ça commence aujourd'hui. 750 000 élèves de 3e du collège sont concernés. Première épreuve à 9h ce matin, c'est le français. Et puis, ce sera au tour des mathématiques cet après-midi. Bienvenue sur Fun Radio depuis Ibiza où il fait très très beau. Bon réveil avec Bruno dans la radio. Fun Radio Leverdeux en direct d'Ibiza. Merci pour tous vos messages, les amis. Depuis quasiment 5h30 en top tweet France avec le hashtag Bruno et Ibiza, tous vos messages qui sont super sympas. Il y a Léaxim, hashtag Bruno et Ibiza, qui dit j'ai envie de pleurer quand je vous vois là-haut. Et en fait, il a mis sa tablette, d'accord, posée avec le live vidéo. Et tout autour, il doit être boucher charcutier, je pense, il y a de la viande. Ah, mon chou, j'espère juste qu'on vous fait un tout petit peu rêver ce matin. C'est vraiment le but. Bon, Fun Radio en direct d'Ibiza, ça va se passer durant plus de 24 heures, puisque toute l'équipe de Fun Radio arrive à Ibiza. On les a eu tout à l'heure au téléphone. 80 personnes qui débarquent, d'accord, qui vont débarquer ici. D'ailleurs, on aura une petite liste de losers, des gens qui ne partent pas, puisque en direct tout à l'heure, à partir de 9h15, vous allez retrouver Arthur qui vous accompagne jusqu'à midi, qui est animateur sur Fun Radio Côte d'Azur d'habitude. Et puis là, du coup, il est monté à Paris, mais pendant que tout le monde se barre à Ibiza. Mais on l'aura en ligne. Puisqu'on est en train de parler de teuf à Ibiza, on va faire un truc assez dingue, puisqu'il y aura une connexion directe avec Marseille ce soir. Fun Radio va fêter la musique à Marseille. Je crois que c'est au parc Borély à Marseille, avec un line-up de malades. Il y a Benny Benassi, il y a Jonas Blue, il y a Tini Tempa, il y a Bob Sinclair. Tout le monde là-bas ce soir à partir de 20h, c'est à Marseille. Et puisque je parle de ce que vous allez vivre là durant 48 heures sur Fun Radio, la soirée My House de Martin Solveig. Martin nous a fait un gros cadeau et c'est une exclusivité Fun. Vous allez la vivre demain soir à 20h sur Fun Radio, le set de Martin Solveig and guest Pedro Winter, etc. Donc demain soir. Et je vous rappelle que l'interview de Martin Solveig, ce sera demain matin avant 9h. Et d'ailleurs, pour finir, demain, ce sera le dernier jour de l'année pour nous, fin de saison pour avant le morning de l'été. Demain, toutes les heures, on vous passera le mashup 2016, fabriqué par Adrien Thomas et Mikosé, tous les meilleurs tubes de l'année de Fun Radio qui vont être mixés en live sur Fun Radio. C'est le mashup. Ce sera demain matin. Bon, il y a Christina qui est là. Bonjour à tous. Il y a Vaché. Bonjour. Il y a Elliot. Bonjour Bruno. Et il y a rapidement la roue des défis qu'on a fait tourner tout à l'heure. On est sur du cachet d'aspirine, les amis, comment vous dire. Ah, ils sont blancs comme des culs. Alors, il y a Mika et il y a Rémi. Mika du JPI et Rémi, notre producteur. Ça va les garçons? Ouais, alors, ça va bien. Rémi, il est roux, donc il faut savoir que quand t'es roux, le soleil, c'est vraiment un vrai problème. C'est de la tu mets de la protection combien, Rémi? Non, mais c'est bon, je suis déjà, j'ai déjà des coups de soleil. Mais tu mets de la protection combien? 50 plus. Ouais, grand total, quoi. 50 plus, c'est pas une rubrique sur YouPorn, hein, Elliot. Hein, c'est vraiment. C'est l'indice de la crème solaire. Ouais, détrompe-toi, Bruno, elle existe. Je te montrerai 2-3 vidéos. Bah. Mika et Rémi sont devant cette bâche. Faites attention, les amis. Je pense que ce défi va foirer, mais bon, vu qu'on est sur funradio.fr, c'est Aurélien qui l'a préparé, c'est Loosman. Ah. Donc il va forcément foirer, mais on va quand même le tenter parce qu'on l'a annoncé. Très bien. Le but, c'est donc de glisser le plus loin possible sur cette bâche en plastique noir. Dessus, il y a du liquide vaisselle avec de l'eau. D'accord. Celui de vous deux qui va le plus loin, eh ben, gagnera toute ma considération. Et vous savez ô combien c'est important. Qui commence? Et on peut pas y aller les deux en même temps? Ah, on va gagner les deux en même temps. Ok, d'accord, t'as raison, on va gagner du temps. C'est encore plus dangereux du coup. Faites gaffe en vous jetant, je vous rappelle que c'est à même la pierre. Oh là là. D'accord? Tu fais un petit top départ, Bruno? Je fais un petit top départ. Est-ce que vous êtes prêts? 3. Déjà, pour les filles, allez voir parce que Mika en maillot, ça vaut quand même le détour. Ouais, c'est mal, il est beau gosse, ouais. C'est ce que me disait le boss de Fun il y a 5 minutes. Ouais. Mika, donc, il est joli avec son petit calbar. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, s'il y a une négociation à faire, c'est maintenant, Mika. 3, 2, 1, on y va. Voilà, et donc c'est un bip mental. Ils ont pas avancé, ils sont tombés. Loosman, un petit mot pour la radio, pour la postérité. Vive la France. Voilà, merci. Ouais, vive le chômage. Les amis, ça se transforme en catch. En combat dans l'eau, on adore. Les filles, allez voir sur funradio.fr. Les amis, top 3 d'Eliott, la tristesse. Oui, je crois que c'est mieux. Le top 3. Oh là là. 3, 2, 1. On aurait peut-être dû tester les trucs qu'on allait faire à Ibiza avant de partir. Ouais, tu sais, il y a beaucoup d'idées, on les a sur le papier, ouais. Et c'est bien le problème. Tu sais que Loosman, je lui ai dit, à mon avis, ça va foirer, il m'a dit, ok, on en reparle tout à l'heure. Ouais, bah ça y est. Sûr de lui, tu vois. Et ben on va en parler, Loosman. Voilà. Ah, la classe. Mais tu sais quoi? Ce qui rattrape, c'est qu'il est avec le slip de Borat depuis tout à l'heure. Par contre, ton défi danse. Ouais, non, tu le fais une fois toutes les deux heures, mec. C'est ridicule. Top 3 d'Eliott, les 3 meilleurs moments de l'année. Oh, tout à fait. Aujourd'hui, ça nous concerne, Bruno, vous allez prendre cher. On y va avec le numéro 3. numéro 3. Ouais, numéro 3, il y a un personnage qui est arrivé il n'y a pas longtemps dans cette émission, mais je crois que tout le monde l'adore. Il a été plébiscité, c'est ce qu'on passe entre les disques. Ouais, ça n'a rien à voir. Par la plupart des auditeurs, et Bruno, tu vas être bien placé pour m'en parler, c'est l'auditeur américain. Ah, bah bien sûr. Alors, il a plusieurs prénoms, d'accord. Oui. Il est fermier en règle générale. Voilà. Mais il peut être dans le Wyoming, dans le Wisconsin. Il réagit à l'émission et du coup, moi, je traduis, hein, forcément. Et la plupart du temps, il a des problèmes avec les factures. J'ai fait une petite compilation de toutes ses interventions. Bruno, je préfère résumer, c'est un top 3 spécial compilation. D'accord. Donc, commençons avec la compilation de cet américain. Et bah, c'est parti. Imaginez, par exemple, le fermier du Wisconsin aux États-Unis qui est dans son tracteur et qui lui aussi veut m'envoyer sa facture. Il va le faire par courrier, il va se dire que ça prend du temps. Là, en écoutant d'ailleurs, il peut se le penser. J'ai une facture à envoyer et je sais qu'il va falloir que je remplisse une lettre avec une enveloppe. Je vais l'envoyer à Fun Radio peut-être, mais si ça se trouve, ils l'auront dans 3 ans. Alors moi, je me dis... Je vais peut-être le faire par mail, c'est plus simple. Teddy, c'est un mec qui est bon sticoteur et il bosse dans un quartier huppé de New York. Et il le dit souvent... You know, in New York City, tu sais, à New York, quand je marche dans la rue, des fois, je me dis que je pourrais écouter Bruno dans la radio et me faire payer ma télé. Ce serait incroyable de pouvoir me faire payer cet appareil. Et des fois, je prends ma télécommande et je change de chaîne. T'avais été loin sur celle-là. Ah, j'adore. Ce personnage, il a été créé il n'y a pas très longtemps. Il reviendra l'année prochaine, je pense. C'est sûr. Vraiment. Mais on peut avoir des auditeurs d'autres pays aussi, même. Numéro 2. Allez, numéro 2, c'est une compile des bafouilles de 2015-2016. Bah oui, parce qu'on ne peut pas être au top tous les jours. Non. Bruno, d'ailleurs, moi. C'est bien toi qui lance ce sujet. Oui. Bon, bah voilà, je crois que le son va parler de lui-même. On n'est pas au top tous les jours. Écoutez, mais c'est pour votre plus grand plaisir. Tu te fais afficher, ça fait plaisir. Je peux comprendre ce moment happy de la note de la dans la matière dans laquelle tu déconnes, quoi. Vous les scannez, vous les envoyez par mail facture@funradio.fr ou alors vous la photocopiez, vous l'envoyez à Fun Radio par Rebaillard 75008. Oui. Non, mais j'ai vérifié, c'est bien .fr. Oui, allons-y. C'est tout aussi sexy que. Événement, Mimi Mathy a été décorée hier de la Légion d'honneur. Vous avez tellement de chance, ma mère, elle était tellement protectrice, elle voulait pas que j'y aille tout seul, donc elle m'accompagnait dans les voitures de place. Elle était protectrice. Mais ça, c'est chiant, les mamans protectrices. Et tu me pètes les ronds. Mais en tout cas, voilà, c'était la petite coquille d'Engen Phoenix. D'Engen Washington. Le Porto, ça se boit à combien de degrés? C'est le chiffre du jour. Soit je vais vous... J'ai failli vous donner la réponse. Ah bon? Oui, Bruno. Les amis, mais je me souvenais pas de tout ça. Extraordinaire. C'est affreux. Moi qui croyais vraiment, on n'avait aucun défaut. Eh ben merci. Numéro 1. Bon, et je crois que le truc que les auditeurs ont préféré cette année. C'est Vaché qui s'énerve au jeu des 30 secondes quand il joue et quand il perd. Une compile de ses énervements. Exactement. J'adore. Profitons-en. On écoute. C'est quelque chose que tu mets pour faire un barbecue. C'est pas du sarment, mais c'est du... Du... Qu'est-ce que tu mets qui chauffe? Du bois. Non, c'est des petites boules noires, là. Tu chauffes. Ça s'appelle des comment? Non, c'est pas du charbon. Mais si! Bien sûr que c'est du charbon! Bien sûr que c'est du charbon! MMA, c'est une... Une assurance, oui! Il est en train Vaché de bouffer sa feuille. Il est en train de manger la feuille. Ça va, Vaché? C'est ce qu'il y a dans une maison, c'est dégueulasse. C'est un insecte, dégueulasse. Une araignée. Non. Ça a des antennes. Oh non, mais là, franchement, j'en ai marre. Ah bah, je pleure pas. Non, mais franchement, mais merde. Franchement. Arrête. Ma vie est un échec. Voilà. Arrête. Non, mais c'est un échec. Mais putain, j'étais tellement bon au début. Fais chier, putain. Mais merde. Mais c'est pas possible. Je suis désolé, mais je me rends compte que je suis malade en fait. Ouais, mais tu sais que les auditeurs de Fun n'arrêtent pas de le dire. Ils préfèrent quand tu perds. Je crois que j'ai un problème, mais vraiment mental. Hein, ils préfèrent. Ils préfèrent. Ouais, tu sais quoi, demain, j'aimerais que pour le jeu des 30 secondes, il y ait quelqu'un qui prenne vacher et qu'on finisse sur un échec. Et que tu perdes. Non. Ah ouais. Si je joue, je gagne. Vous êtes fous. Bon, les amis, on va voir combien de temps de mix là, Fonf. Dis-moi tout, puisque c'est toi qui t'occupes de la pendule de cette émission. On va avoir 7 minutes. 7 minutes. Elliot, allez, on 7. Y va. Est-ce qu'on, parce qu'on fait des soirées Bruno dans ton club avec Elliot. Et c'est vrai que dans la bande-annonce, à chaque fois, on a tendance à vanner Elliot en disant il ne s'est pas mixé. Moi, je le vois mixer en club. Je peux vous dire que le gars déchire. Il déchire. Et le mec fait, oh, bah oui, bien sûr. Bah, j'espère que je ne vais pas me foirer quoi, aujourd'hui. Quoi. Ça sera aujourd'hui, c'est la terre entière qui t'écoute. Il y a des journalistes, etc. C'est aujourd'hui, mec, ou jamais. On est diffusé dans toute la France. On est diffusé dans toute la France, voire ailleurs. Allez, David Gâteau. Juste une rectification. Allez. Est-ce qu'on peut minutes. Faire du bruit pour Elliot qui va mixer, s'il vous plaît. Allez, je mets play. C'est parti, il n'y a que 3 minutes en fait. Hein. Allez, vas-y. Vous êtes chaud et bizarre. Yeah. d'Eliott en live, en direct depuis ça. Et Eliott, t'as assuré? On va bien, Bruno. C'est au top, c'est au top, c'est au top. Ambiance rooftop ici. Ça, les amis. Ben c'est bon, tu peux baisser, c'est fini. On a eu le droit à 10 minutes. T'avais le droit à 10 minutes. Les amis, c'est la fin de l'émission en direct d'Ibiza. Je voudrais remercier déjà les auditeurs qui sont venus avec nous. On va se retrouver demain toujours en direct et vous allez vivre toute la journée en direct d'Ibiza. Je voudrais qu'on salue Arthur qui est en studio à Paris, que vous entendez sur Fun Radio Côte d'Azur et qui ce matin va vous accompagner jusqu'à midi. Ça va, Arthur? Salut la famille. Ça va, mec, vous vendez du rêve, hein. Ouais, bah, je sais. C'est quoi, on a une vraie pensée pour toi, mec. Et je peux te promettre que le premier j'ai mojito, le soleil de la Côte d'Azur pour Solid Paris. Le premier mojito qu'on boira aujourd'hui, on le boira en pensant à toi. Et bah, c'est super cool. Fun Radio t'appartient, mec. C'est-à-dire que là aujourd'hui, t'as Fun Radio, t'as tous les couloirs, tous les bureaux, c'est que pour toi, tu peux faire ce que tu veux. Je suis en train de réaliser, effectivement, c'est pas rien. On va essayer de conduire le vaisseau alors. Et bah, en tout c'est cas, ça. Profitez bien du soleil. Merci. Et puis on vous dit à très vite, de toute façon. À demain. Juste à demain. Et surveillez la page Facebook de l'émission, la page facebook.com/Bruno dans la radio. On n'est pas à l'abri de faire quelques lives vidéo sur Facebook. Est-ce qu'Arthur, on lui envoie la carte postale de beauf avec la nana qui a laissé un l'air ou pas? On peut le faire. Arthur, on te laisse les clés. On revient demain dès 6h. C'est cool. Bisous. À demain, la famille. À demain dès 6h. On reste ensemble, 9h midi. C'est parti. Bienvenue sur Fun Radio avec une découverte Fun Radio d'ailleurs. Calvin Harris et la nouveauté Axwell et Sébastien Grosso. Salut tout le monde, bienvenue sur Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. T et Chris Brown. The Chainsmokers. Galantis. Yo, what's up? This is the Major Lazer crew right here on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Qui habille colore la vie. Les filles, aujourd'hui, vous allez être folles de joie. Oui, les soldes d'été sont chez Kiabi. Jusqu'à moins 70% sur des milliers d'articles. Jusqu'à moins 70% pour relooker toute votre tribu. Les soldes d'été chez Kiabi, même les hommes vont se lâcher. Yes! Offre valable sur articles signalés du 22 juin au 2 août. Date selon décret. Conditions magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. En ce moment, avec les soldes but, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin. Moins 70%. But, c'est nous. Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casinomania. Et je m'approche de Julie qui va nous raconter sa petite manie. Avant d'aller chez Casino, je fais exprès un gros dîner avec tous mes amis pour profiter à fond de la promo sur les tablettes Finish. Jusqu'au 3 juillet, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un pack de 65 tablettes lave-vaisselle Finish tout en un, le deuxième est à 0€ au lieu de 11,99€. Casinomania, encore et toujours plus fou. Avec Casino, prenez goût aux économies. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Sarenza.com. Avec l'appli Sarenza, nos clients peuvent craquer sur nos chaussures soldées jusqu'à moins 60% partout. J'ai choisi des sandales scandaleusement hautes en pleine réunion de parents d'élèves. J'ai fait une orgie de nu-pieds jaunac dans un ascenseur. Je me suis fait 3 paires d'escarpins sur un cheval au galop. Et toi? Allez. Moi, vous voulez vraiment savoir? Ah oui. Je vais vous le dire, mais hors antenne. Jingle, s'il vous plaît. Sarenza.com. Avec l'appli Sarenza, sensation solde garantie. Monsieur pas compris, apostrophe Monsieur Papillon. À quoi ça sert de trier les petites bouteilles en plastique? Elles sont si petites, s'interroge-t-il. Monsieur Papillon rétorque. Comprenez donc, Monsieur pas compris, qu'il faut trier toutes les bouteilles, les petites et les grandes, car elles sont toutes pleines d'avenir, nom de nom. Bien triées, elles seront recyclées et serviront à fabriquer de nouvelles bouteilles, des oreillers, des couettes et même des ours en peluche. Compris, monsieur pas compris? Compris. Vous voulez savoir comment? Allez sur ecoemballage.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? C'est quoi cet écho? De l'écho? Et comment qu'il va y avoir de l'écho? En ce moment chez Lidl, ils font la bouteille de 70 centilitres de Genépi des Alpes, saveur de nos régions, à 12,99€. Quoi? La bouteille de Genépi des Alpes à moins de 13€ chez Lidl? Oui, et 12,99€, c'est le vrai prix. Et un produit saveur de nos régions, patron, hein? C'est bon, on est mal, hein? Très mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 18,56€ le litre, 30 degrés. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pour vous, les filous. Pour vous qui n'acceptez les promotions canapé que pendant les soldes. Faites-vous plaisir. Les soldes, c'est parti sur laredoute.fr.